Bonjour, bienvenue, madame, mademoiselle, monsieur, à cette émission d'ésotérisme expérimental. Cette image qui rappelle les apothicaires, les alchimistes du Moyen Âge qui cherchaient les potions magiques. Est-ce qu'aujourd'hui on est libéré de la pression de ces gens qui, dans des officines très scientifiques, mais aussi dans le plus grand des secrets, développent des vaccins contre des maladies? Et vous vous souvenez, l'année dernière, on a tous été victimes d'une vaccination massive au Québec contre la méningite. On s'est demandé un peu pourquoi, de 2 à 25 ans, tous les Québécois ont été obligés de se faire vacciner, alors que de l'autre côté des frontières, on n'entendait pas parler de vaccination massive. Est-ce que le virus avait une connaissance des frontières? Aujourd'hui, nous allons consacrer une grande partie de cette émission numéro 48 à l'étude du dossier de la vaccination, celle de la méningite et celle qu'on nous prépare pour 1994 contre l'hépatite B. Oui, j'aime mieux aller en avant des coups plutôt que d'avoir l'effet surprise qu'on a connu l'année dernière où on s'est fait dire de manière très surprenante qu'il y avait une épidémie de méningite et qu'il fallait absolument vacciner tout le monde. Vous allez voir jusqu'à quel point Serge Monat, journaliste d'enquête, a découvert le poteau rose. Soyez bien prévenus, un homme averti en vaut deux. Vous vous souvenez que le docteur Guylaine Langteau, je dis bien docteur car elle est docteur médecin, était venu nous présenter l'autre côté de la médaille. Parlant de l'autre côté de la médaille, il y a Gilles Surprenant dans la chronique vidéo qui va nous présenter dans un film bien connu, Flatliner, traduction française, Ligne interdite, des jeunes médecins qui vont faire l'expérience grâce à une haute technologie dont ils ont à leur disposition. On parlait du temple, c'est le corps humain. Les deux colonnes du temple, ce sont nos deux jambes, le cœur, les transepts, la nef. Eh bien, dans le sein des saints, il y a le trésor le plus précieux. Et le Christ avait même averti les gens qu'à la fin des temps, un voleur tenterait d'entrer dans le temple ou dans votre demeure privée, pas par la porte ni par les fenêtres, mais à travers le mur. Je pense que je comprends maintenant une piqûre, une vaccination, c'est carrément passer à travers le mur et d'introduire l'ennemi qui veut s'approprier votre bien le plus précieux, c'est-à-dire votre santé ou votre vie. C'est peut-être très alarmiste, mais écoutez maintenant l'enquête qu'a faite Serge Monat, journaliste international, sur les raisons par qui et pourquoi la vaccination massive nous a été imposée l'année dernière. Et tenez-vous bien pour averti que l'an prochain, on nous prépare une autre vaccination massive, mais pas seulement pour les enfants de 2 à 25 ans, comme si on avait voulu abattre le grand monarque qui vit ici au Québec encore enfant, comme on a fait à l'époque de Jésus pour tuer les saints innocents. Alors, Serge Monat, maintenant, nous présente ce dossier où des apothicaires du temps moderne essaient de trouver la potion magique. Bonne émission. Bienvenue encore sur l'ésotérisme expérimental. Ça fait à peine même pas un an qu'on se connaît. Et déjà, toutes ces réalisations-là, c'est quand même vraiment là, un homme d'action. Vous avez d'autres dossiers que vous avez épluchés? Oui, il y a le dossier qui s'en vient. Je commence la rédaction la semaine prochaine. Et c'est un dossier qui touche les vaccins, la médecine militaire expérimentale et les cristaux liquides. Il y a un lien entre les trois. Le lien, justement, entre les trois et les enquêtes que j'ai faites à ce niveau-là, niveau bien terre-à-terre, niveau physique, pour savoir qu'est-ce qui pouvait exister à propos de ces trois domaines-là et comment ils étaient interreliés entre eux. En passant, ça, j'envoie votre numéro de téléphone en bas de votre nom. Ça va permettre aux gens de commander des livres. Ça va lui permettre plusieurs choses. Ça va lui permettre, premièrement, de commander des volumes pour ceux qui n'ont pas ces volumes-là, en fin de compte. Ça va lui permettre pour d'autres d'avoir des informations parce qu'il y a des gens qui se demandaient à propos du volume, par exemple, la conspiration de l'âge verso, comment ça se fait qu'ils ne l'avaient pas reçu. C'est pas tellement compliqué. Lorsque les gens, après plusieurs mois, n'ont pas encore reçu un volume, c'est parce que le volume n'a pas encore été publié. J'ai tellement d'enquêtes, de dossiers que je mène de front à l'heure actuelle. Il y a des urgences parce que j'ai considéré que l'urgence du domaine de la santé passait avant celui de la conspiration du Verseau parce que ça nous touche de près puis qu'on était en train de parler à l'heure actuelle d'un milieu journalistique d'un autre vaccin qui s'en venait au Québec. que j'ai décidé de faire le dossier qui est consacré, je pourrais dire, enfin, au tripotage pharmaceutique et médical sur le dos de la population. Mais ça ne veut pas dire que le volume au niveau de la conspiration de l'Arche du Verseau, les gens ne l'auront pas entre les mains pour la simple raison, comme je disais tout à l'heure, que le manuscrit est déjà fait, il y a 250 pages, il est fait. Tout ce qui reste à faire, c'est de le taper en caractère de composition et puis de l'apporter à l'imprimerie. Bon. Ça, je ne peux pas faire ça tout de suite, bon. Parce que pour l'instant, je vais sortir d'ici 2-3 semaines... le dossier qui va avoir au-dessus de 100 pages, qui va sortir sous forme de volume et qui touche de plein fouet le problème de la vaccination, de l'expérimentation militaire au niveau médical et l'intrusion de ce qu'on appelle la high-tech, au niveau de technologie de pointe dans le domaine médical et autres, qui s'appelle le cristal liquide. Parfait. Alors, on a vécu au Québec il y a à peine un an et demi la vaccination massive de la méningite des enfants de 2 ans à 25 ans. Là, il fallait se faire vacciner, puis c'était une obligation. Même si on avait des enfants à l'école, on disait, on ne veut pas que mon enfant soit vacciné. On retournait l'enfant à la maison avec un document. Il fallait que les parents remplissent les raisons pour lesquelles ils ne voulaient pas que leur enfant soit vacciné. Il y avait vraiment une pression, là. C'était psychologique, mais on ne pouvait pas en sortir. J'en connais très peu qui ont passé à travers sans faire vacciner leurs enfants. On prépare une nouvelle masse, une vaccination massive encore? On prépare d'autres choses, mais pour revenir à la vaccination qui a eu lieu en 92, moi, j'ai communiqué avec la salle des nouvelles de Radio-Canada. Je suis en contact avec des journalistes ici, au Québec. Je suis en contact avec des journalistes aux États-Unis, en Australie et en Europe. On est constamment en contact pour des échanges d'informations. En ce qui a trait au Québec, lorsque j'ai communiqué avec la salle des nouvelles, je voulais savoir, moi, quels étaient les journalistes qui, en 92, s'était penché sur la vaccination qui était en préparation. Et par le fait que j'avais posé la question, la journaliste avec laquelle j'ai parlé, on est encore en contact quand même, s'est informée auprès d'autres journalistes et elle a eu le choc de découvrir, en posant des questions, qu'il n'y a aucun journaliste qui avait fait une recherche en profondeur pour connaître qu'est-ce qui motivait une nécessité de vaccination à ce moment-là. Donc, il a été obligé de se rendre à l'évidence qu'aucun journaliste n'avait fait un travail d'approfondissement puis que le gouvernement avait passé une campagne de vaccination sans que qui que ce soit sache exactement pourquoi. C'est très grave. On n'a pas ici au Québec beaucoup de journalistes d'enquête. Hein. Le journalisme d'enquête n'est pas une tradition et c'est excessivement malheureux parce que ça permet aux instances politiques au consortium financier de faire à peu près n'importe quoi sans être bordré par personne. Ils ont un terrain d'expérimentation parfait avec la population parce qu'il n'y a personne pour défendre et informer la population. C'est ça. Ils se contentent de recevoir les communiqués de presse, de lire le communiqué de presse, de citer des conférences de presse toutes bien montées, puis ils prennent l'information, puis ils le digèrent, puis ils la redonnent à la population. Justement, ils fouillent pas. À cet effet-là, ici, j'ai la carte que je peux montrer, en fin de compte, à la télévision, bon. Cabinet du ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec. Bon. Bon. Donc, j'ai communiqué avec cette personne qui est l'attaché de presse du cabinet du ministre parce que je voulais avoir une copie du communiqué. Le communiqué identique qui avait été remis en 92 aux journalistes pour les informer qu'il y avait un problème au niveau d'une épidémie et que ça nécessitait une vaccination à large dans la population. Alors, dans ce communiqué-là, vous avez soulevé un point ici dans ces phrases-là. Ça dit quoi? C'est ça. C'est-à-dire que c'est à la suite de recommandations formulées par le groupe technique sur les infections à méningocoque, donc sur la méningite, formé de spécialistes en santé publique, que le ministre a recommandé au Conseil des ministres de prendre cette décision aujourd'hui au niveau d'une campagne de vaccination. Donc moi, lorsque j'ai communiqué avec la personne au cabinet du ministre, on ne parle pas d'un fonctionnaire, on ne parle pas d'un sous-ministre, quoi que ça, on parle du cabinet du ministre où la décision a été prise en 92. Ministre de la Santé. Ministre de la Santé du Québec qui est encore en poste à l'heure actuelle. Côté. Oui. À ce moment-là, j'ai dit, écoutez, vous parlez groupe technique sur les infections. De qui était composé ce groupe technique? Un, j'ai jamais eu de réponse. Ça commençait très bien. Deux. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous ont dit? Ils ont dit, on ne le sait pas. Ben, ils ont dit, écoutez, c'est tel groupe, on tournait autour, tu sais, sans donner de réponse. On n'a pas sous les yeux ces informations-là. Ben, est-ce qu'il y a un endroit où ce que je pourrais les obtenir? Ça serait très difficile. C'est terminé depuis longtemps. Ben, depuis longtemps, ça fait tout de même juste un an. Okay? C'est pas un document historique. Il faut pas remonter au Moyen Âge pour l'avoir quand même. Tu sais? À l'intérieur de ça, ben, tu vois, tu demandais, Québec, 2 décembre 1982, ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec, M. Marc-Yvan Côté, annonce que le gouvernement du Québec a décidé de procéder à une vaccination élargie, et ainsi de suite. Donc, c'est lui qui est en poste, c'est toujours lui qui est en poste. Je continue à ce niveau-là. Donc, j'ai dit, qui était à la tête de ce groupe de spécialistes-là? Ah, elle m'a dit, c'est un médecin, un tel, mais ça fait, il a démissionné à date, on ne sait pas où ce qui est rendu. Bizarre. Le ministère engage un spécialiste. Le spécialiste fait des recommandations à partir d'enquêtes, tu sais, à partir On d'analyses. sait pas qui Et était tout le d'un docteur. coup, le gars qui est en charge de ça, il disparaît, personne ne sait où ce qu'il est. Donc, j'ai dit, y est-il possible d'avoir une copie? OK? Parce que quand même pas oublier que le document que j'ai entre les mains ici, c'est le document que les journalistes ont reçu. Okay? Ils n'ont rien reçu d'autre que ça. Il y a 3 pages, ici. Okay? Puis là, on s'est contenté de ça, puis on a dit, bon, ben, écoutez, il y a un groupe technique, on a annoncé ça aux nouvelles le soir. Bon, ben, tout le monde s'est dit, écoutez, le gouvernement prend soin de nous autres, mais personne n'a fait d'enquête pour poser les questions que moi, je pose aujourd'hui, puis qui a surpris les gens à la salle des nouvelles pour se rendre compte qu'eux autres même, personne n'avait fait leur travail dans ce sens-là. Donc, moi, je demande, j'ai dit, écoutez, j'ai dit, est-ce possible d'avoir les conclusions de ce rapport-là? Savoir sur quoi ça a été basé de prendre une décision. On ne vaccine pas une population complète pour le faire. Impossible d'avoir le rapport en question. Donc là, je lis à la page 3 du document ici, à la fin de la page. Okay? Depuis le début de l'année 92, la situation épidémiologique établit à 145 cas le nombre d'infections à méningocoque déclarées au Québec, dont 14 ont entraîné le décès. Mais, la deuxième phrase est importante. À la même période, en 91 et 90, on comptait 130 et 109 cas et 16 et 8 décès. On a un choc quand on le sait, on se dit, écoute donc, en 91, il y avait 14 décès, ils ont jamais pensé à une campagne de vaccination. Okay? Il y en avait 16 ici, c'est ça. En 91, il y avait 16 décès. On ne décide pas d'une campagne de vaccination, mais en 92, il y en a seulement 14, là, on décide qu'il y en a une, c'est illogique. Pas moyen de savoir pourquoi. Donc, je continue mes recherches à ce niveau-là pour aller, pour pousser un peu plus loin, en fin de compte. Et à ce moment-là, j'essaie de savoir, d'un palier à l'autre, et je ne compte pas le nombre de coups de téléphone, de fax, d'interurbains, de tout ce qu'on peut imaginer pour essayer de gratter, tu sais, des brides d'informations. Donc, j'essaie de découvrir quelle était la compagnie responsable de la fabrication du vaccin au Canada. Ça m'a quasiment pris une semaine pour avoir juste le nom de la compagnie, pour finir par découvrir au bout de la ligne que c'était la Connaught Laboratory située à Willowdale, en Ontario. Première chose que j'ai fait, c'est d'une façon peut-être naïve ou je ne sais pas, j'ai communiqué avec la Connaught Laboratories en Ontario. Je lui ai envoyé un fax, je les ai appelés, j'ai dit, écoutez, j'ai dit, je serais intéressé de savoir quels sont les autres produits pharmaceutiques que vous fabriquez. J'ai eu affaire à une gang de paranoïaques. Ils se sentaient menacés, on ne voulait pas répondre aux questions, ça ne me regardait pas. Même si je leur disais, écoutez, c'est de l'information publique. Je peux l'obtenir ailleurs, bien c'est ça, obtenez-la ailleurs, monsieur. Ça a été la réponse de la compagnie qui avait fabriqué le vaccin. Quand j'avais parlé avec l'attaché de presse du cabinet du ministre, j'ai dit, écoutez, elle a commencé où cette épidémie-là? Bien, tout le monde sait que ça a commencé dans la région de Hull. J'ai dit, ça a commencé dans la région de Hull. Êtes-vous au courant, puisqu'il y a juste un pont qui traverse, qui relie, en fin de compte, Hull à Ottawa du côté ontarien? Êtes-vous au courant si l'épidémie a traversé le pont? Jamais eu de réponse. OK? Le virus s'arrêtait à la frontière. Justement, êtes-vous au courant si le ministère de la Santé en Ontario a fait une vaccination locale ou quoi que ce soit, aucune réponse adressez-vous à vous autres. J'en ai perdu mon latin d'essayer de m'adresser à des ministères qu'on est toujours renvoyé d'un fonctionnaire à l'autre. D'ailleurs, je vais vous montrer des preuves là-dessus. Et au bout de la ligne, on n'a jamais obtenu de réponse, mais on nous répète toujours la même chose de se référer d'un à l'autre. Obligé de se rendre compte au bout de la ligne qu'on n'est pas intéressé à ce que certaines choses sortent. Je communique avec Communication Québec, eux autres me disent, écoutez, vous allez avoir les informations du bureau du surintendant des institutions financières du Canada. Bon, et moi, je communique avec le bureau, on me dit merci de votre télécopie du 15 novembre 1993, je peux vous confirmer que notre bureau n'a aucun renseignement au sujet des compagnies énumérées dans votre télécopie, ces compagnies ne sont pas régies par notre bureau. Ça, c'est le surintendant des institutions financières au Canada qui n'est pas au courant dans les ordinateurs si ces compagnies-là existent. C'est des compagnies pharmaceutiques. Ça aussi, ça n'a pas de sens. OK? Quelle était la liste? Je vais la montrer tout à l'heure. Donc, on me réfère en recommuniquant avec Communication Québec. On me réfère encore une fois à un autre bureau du gouvernement fédéral qui est le bureau de l'Industrie Sciences Technologies Canada. Moi, j'appelle un bonhomme qui s'appelle Steve Charles, S-C-H-A-R-S. Je lui demande, j'ai dit, écoutez, j'ai une liste de compagnies pharmaceutiques et autres. Êtes-vous capable de me sortir des informations? Quelles sont ces compagnies-là? Quelle place qu'elles sont situées au Canada? Quels sont les produits qu'elles fabriquent? Aucun problème, monsieur, envoyez-nous ça, on a toutes les informations. Okay? Donc, j'envoie à ce monsieur Charles, en fin de compte, un fax. Pour lui demander, écoutez, Industrie, Sciences, Technologie Canada, information concernant les compagnies affiliées à la CDC, Life Science Incorporated, parce que j'avais fait des recherches dans le volume publié par Statistique Canada au niveau des liens de compagnie entre, des liens de parenté entre compagnies. J'avais découvert que la Connaught Laboratories, qui a fabriqué le vaccin contre la méningite, appartenait à un consortium qui était la CDC Life Science Incorporated, sur laquelle j'ai jamais eu aucune information. Mais ce qui était quand même important de remarquer, c'est que cette CDC Life Science Incorporated est une compagnie qui contrôle. Et là, la liste est quand même assez impressionnante au niveau de mes notes personnelles ici. Elle a un 12,6% de contrôle au niveau des investissements dans l'Institut Mérieux, qui est un institut de produits pharmaceutiques français, 100% de contrôle dans deux compagnies à numéro, 100% de contrôle dans la Bio Research Laboratories, Bio, 100% de contrôle pour la Steel Chemical Company, 100% pour la Connaught Laboratory, donc elle la contrôle complètement, mais impossible d'avoir des informations sur CDC Life Science, 100% d'informations sur la Connaught Biologic et 35,4% sur les laboratoires nordiques. Ce qui était vraiment impressionnant, c'est que les laboratoires nordiques, même s'ils ont un nom français, est une compagnie dont le siège social est aux États-Unis avec une filiale au Québec. Donc là, on se pose des questions. En plus, ce que j'ai découvert, si on prend le lien de code ici, de cette CDC Life Science Incorporated, on découvre qu'elle a 19,3% d'investissement dans les actions de la Caisse de dépôt et de placement du Québec. Donc là, on se retrouve avec une compagnie privée qui a des investissements dans une autre compagnie qui, elle, ne doit pas l'être. Enfin, comment ça se fait qu'il y ait des intérêts privés au niveau d'un consortium pharmaceutique qui contrôle une compagnie qui a fabriqué le vaccin contre la méningite, a 19,3% d'investissement des actions dans la Caisse de dépôt et de placement du Québec. Et si on regarde le code qui est défini, en fin de compte, par Statistique Canada, le code nous réfère à fonds d'investissement gouvernementaux. Donc, on se retrouve dans une situation à se demander, écoutez donc, c'est une compagnie canadienne, un consortium canadien. Comment est-ce que ce consortium canadien peut avoir des fonds d'investissement gouvernementaux dans la Caisse de dépôt et de placement du Québec? Je n'ai jamais eu de réponse là-dessus. Encore beaucoup moins. Poussez encore un peu, puis vous aurez peut-être des démissions demain matin au gouvernement. Soit des émissions, des démissions ou des moyens de pression qui vont m'être faits, ou une tentative d'assassinat, ou peut-être même, je ne sais pas, moi, une arrestation ou quoi que ce soit. Tu sais, démolir la réputation de quelqu'un. Pour être sûr, en fin de compte, que la personne ne peut pas continuer son travail, c'est une de leurs spécialités la plupart du temps. Pour en revenir à ce monsieur Steve Shaw, Radar est leur système informatique au niveau du ministère de l'Industrie, Sciences et Technologies Canada pour tout ce qui touche les compagnies enregistrées au Canada. Monsieur Shaw n'a jamais voulu m'envoyer un fax pour me dire par écrit qu'il n'y avait pas d'informations là-dessus. Il a fallu que je l'appelle sur Internet pour qu'ils me disent par téléphone, écoute, on n'a aucune information là-dessus. Est-ce que vous savez où je peux en obtenir? C'est quand même important. Ouais. Donc là, on me dit, écoutez... Alors que lui disait qu'il peut avoir n'importe quelle information. N'importe quelle information au départ. On me dit, écrivez à l'Inspection générale des institutions financières au Québec. Je renvoie la même liste. Ça fait deux fax que j'envoie à l'Inspection générale des institutions financières du Québec. Je n'ai jamais eu de réponse encore. Toujours sur les mêmes compagnies. Combien de temps, ça fait combien de temps? Ça? Ah, écoutez, ça date du 15 novembre. 15 novembre, ça va très vite avec le fax. On sauve des mois de travaux, ouais, en fin de compte. La lettre site est datée du 28 octobre, donc ça fait 2-3 semaines quand même que je travaille pour avoir des informations à propos de ce dossier-là. Il cite gouvernement du Québec, ministère de l'Industrie du Québec et de la Technologie, qui est un autre ministère encore. Okay? L'expéditeur est un dénommé Jean Lefebvre avec ses numéros de téléphone, numéro de fête. Direction régionale de Montréal. Suit tel que demandé l'information sur deux entreprises sur lesquelles j'ai pu trouver des données. Pour les autres, je peux tout vous suggérer, si ce n'est pas déjà fait, de contacter l'inspecteur général des institutions financières à Ottawa, justement celui qui me disait qu'il n'était pas capable de me fournir quelque information que ce soit. Donc, on réfère d'un ministère à l'autre et sur un dossier excessivement important, les deux compagnies sur lesquelles j'ai reçu des quelques très, très, très, très, très faibles informations, parce que ça ne me donne pas, en fin de compte, la majeure partie des produits fabriqués par eux autres, sont les laboratoires nordiques et laboratoires biorecherche. La Bio Research Laboratory. Mais la Connaught Laboratory, celle qui a fabriqué le vaccin, aucune information n'est disponible nulle part. Donc, je t'ai montré tout à l'heure que par rapport à l'inspecteur général des institutions financières au Québec, il y a un fax ici daté du 15 novembre. OK? Et il y en a un autre ici, un autre que j'ai redaté aussi du 15 novembre avec d'autres informations. Puis il y en avait un autre plus loin qui est daté. Celui-là est daté du 15 novembre. Celui-là est daté du 19 novembre 1993. Toujours pas eu de réponse à date là-dessus. Donc, on ne veut pas vous dire. On veut pas. On m'accuse à l'heure actuelle au niveau journalistique. Ces compagnies-là m'accusent et même certains fonctionnaires m'accusent de créer un mystère autour de cette situation-là, alors qu'en réalité, c'est pas moi qui crée le mystère. On crée au niveau gouvernemental, on crée délibérément un mystère en refusant de fournir des informations et des réponses sur un dossier, en fin de compte, sur des informations qui sont publiques dans une société démocratique, OK? Parce que ces compagnies-là sont enregistrées quelque part. Ça, c'est juste la pointe de l'iceberg. Et qui a touché tout le monde. Qui a touché tout le monde dans la population, puis il est impossible. Et que tout le monde pourrait réclamer comme information. Pourrait faire réclamer comme information, à juste titre. Et là, le pire, c'est qu'on prépare une autre vaccination massive au Québec. Moi, quand j'ai parlé avec le journaliste de la salle des nouvelles de Radio-Canada, d'ailleurs, on doit se rencontrer à un moment donné, elle dit, écoutez, parce que j'y parlais des différents développements au niveau de la recherche militaire produite par la CIA aux États-Unis au niveau des vaccins, des choses comme ça. Et j'ai dit, écoutez, il ressort des enquêtes et des résultats obtenus à date qu'il est possible d'administrer un vaccin à l'intérieur duquel il semble rien y avoir en apparence et qu'il ne soit pas offensif pour la santé d'aucune manière. Mais par contre, le même vaccin, à cause de son contenu mal défini, mis en relation un an ou deux ans plus tard avec un autre vaccin qui lui aussi semble inoffensif à première vue, les deux combinés ensemble vont produire des problèmes invraisemblables. Et j'ai su dernièrement qu'il était possible, sans que ça puisse être décelé nécessairement au niveau d'analyse scientifique, il était possible de couper en deux un cristal liquide, d'en mettre une partie dans un vaccin, un an ou deux ans plus tard, la deuxième partie se retrouve dans un autre vaccin. La combinaison des deux avec les informations que je possède au niveau des cristaux liquides permet le contrôle direct des individus via satellite en vue d'en arriver à un moment donné à un contrôle politique absolu sur les populations. Donc, le dossier, le volume que je sors, puis tous les gens qui voudront avoir des informations là-dessus, ce que je conseille aux gens dans la population, c'est de sortir de leur léthargie personnelle à l'heure actuelle, parce que ça touche directement à leur santé, de ne pas se gêner pour appeler, demander des informations, je vais leur envoyer de la documentation, d'en parler partout dans leur milieu et de se ranger pour commander, en fin de compte, ce volume-là qui va toucher les vaccins. Donc, il va y avoir une historique complète de la vaccination dans mon volume. Deuxièmement, médecine militaire expérimentale. J'ai un historique complet de la CIA et des différentes formes d'expérimentation qu'ils ont fait. Cristaux Liquettes, je vais avoir un chapitre sur les cristaux Liquettes et mes démêlés de septembre, octobre 1993 avec le département de chimie, biologie, physique et de médecine de l'Université de Montréal avec les noms des professeurs avec lesquels j'ai communiqué et les informations qu'eux-mêmes étaient incapables de me donner parce que le secteur de recherche n'était pas rendu aussi poussé par rapport aux questions que je leur posais, alors que je leur révélais que ces secteurs de recherche-là étaient déjà en application au niveau de la CIA aux États-Unis. Ils ont dit, écoutez, on aimerait avoir des informations là-dessus, parce que nous autres, on n'est pas rendus aussi loin que ça. Ben là, ça, on a dévoilé tout ça là, sur l'émission des hôtelistes. J'en suis très conscient, puis je veux que les gens se réveillent, parce que c'est leur santé qui est en jeu. Oui, mais si vous disparaissez là, d'ici une semaine ou deux, là, qu'est-ce qui arrive? Est-ce qu'il y a des gens qui vont prendre la relève? Est-ce qu'il y a des journalistes que vous connaissez? Il n'y a aucun journaliste, d'après moi, qui va oser, dans le contexte actuel, prendre la relève par rapport à de l'information semblable. Parce que si on prend l'exemple, par exemple, de « Il est minuit en 15 secondes à Ottawa », ça fait vrai. Plus qu'une fois. Et dans la conférence que je donnais samedi dernier, il y a une personne digne de foi qui s'est levée dans la salle, digne de foi parce que ça m'avait été rapporté par d'autres personnes. Il y a des auditeurs qui ont appelé Gilles Proulx à CGMS à Montréal et qui ont parlé du « Il est minuit en 15 secondes à Ottawa ». Ils ont dit « Écoutez, M. Proulx, ce volume-là, et ainsi de suite. » À mot couvert, Gilles a été obligé de dire sur les ondes de CGMS qu'il avait carrément les mains liées par la direction de l'information de CGMS et qu'il ne pouvait pas parler de ce volume-là. Donc, les gens dans la population, qu'est-ce qu'ils devraient faire? Ils devraient commencer, d'après moi, à réfléchir et à se poser des questions. Pourquoi, dans une société démocratique comme la nôtre, où absolument tout est permis, toutes les modes, toutes les formes de pensée sont permis, comment ça se fait que le seul volume qui est interdit de publicité par la direction des informations, radio, télévision, journaux, au Québec et au Canada, c'est justement ce volume-là? C'est parce qu'il renferme des choses que les autorités politiques en place ne veulent pas que ces informations-là soient accessibles à la population. Ça, c'est clair et net. Il y a une manipulation. Il y a une manipulation et c'est à la population elle-même de réagir par rapport à quelque chose de semblable et de dire, écoutez, nous autres, on veut savoir ce qu'il y a dans ce volume-là, on veut l'avoir et on va poser des questions publiquement. Je crois que le temps est venu avec 94 qui s'en vient et que je considère 94 comme étant l'année des mises au point, des règlements de compte, puis du fait de démasquer des situations que ça fait trop longtemps que ça traîne, puis ça fait trop longtemps qu'ils sont cachés aux populations. Est-ce qu'il n'est pas trop tard? Est-ce qu'il n'y a pas de système déjà tout mis en place pour empêcher? Il n'est jamais trop tard. S'il était trop tard pour quelque situation que ce soit à l'heure actuelle, ça voudrait dire par conséquent que ces gens-là seraient déjà en possibilité de pouvoir implanter le système et qu'ils l'auraient déjà implanté. Posons-nous la question, pourquoi ils ne l'ont pas déjà fait? C'est parce qu'il manque encore certains éléments. Et cette date à laquelle eux auraient décidé, en fin de compte, d'imposer un système semblable, bien, peut être reculée, tout dépendant de la réaction de la population. Mais là, ce qui est grave, c'est que la population est menacée dans ses familles et dans ses enfants à l'heure actuelle, directement au niveau de sa santé. J'espère qu'ils vont réagir. Prochaine vaccination massive. On prévoit, parce que la journaliste de Radio-Canada m'a dit qu'il y avait quelque chose qui s'en venait au Québec au niveau possiblement de l'hépatite B. Je ne vois pas d'épidémie nulle part, tu sais. Puis je ne pense pas qu'il y en ait en vue, à moins d'en provoquer un d'une manière volontaire. Mais elle dit, il y a des rumeurs qui circulent ici à Radio-Canada sur une vaccination qui s'en vient, puis il y a des rumeurs qui circulent au niveau des effets de la combinaison de deux vaccins indépendants à cause de ce que j'étais en train de lui révéler. D'ailleurs, les journalistes de Radio-Canada et d'autres journalistes un peu partout à l'heure actuelle, tant en Australie qu'aux États-Unis, en Europe ou au Québec, en fin de compte, attendent la sortie de ce dossier-là. Écoutez, ici sur l'ésotérisme expérimental en 1983, on vous avait parlé des trafics d'organes, c'est-à-dire des enfants dans des pays sous-développés qu'on nourrit, qui grâce à l'argent qu'on envoie dans des œuvres de charité que vous connaissez, qu'on voit régulièrement à la télévision, qui disent parrainer des enfants dans des pays sous-développés, et puis à un moment donné, on rapatrie ces enfants-là dans des familles d'accueil et on les fait passer la frontière en pièces détachées. On vend le cœur, on vend les reins, on vend des organes, et c'est très lucratif. reçoivent l'argent de la population qui a un bon cœur pour nourrir les enfants, pour les garder en bonne santé. Puis en plus, ils font de l'argent au moment où ils retournent les organes dans certains réseaux qui sont prêts à payer le gros prix pour avoir un rein qui est élevé, qui a été nourri par un être qui était en bonne santé dans des pays où les gens n'ont pas les systèmes de surveillance que nous avons. Mais c'est encore maintenant un grand point d'interrogation à se poser quand Serge Monod nous dévoile des dossiers sur les vaccinations massives, sur ce qui se passe ici dans notre société. Avons-nous vraiment des journalistes compétents? Je vais juste faire une parenthèse, c'est rare que je t'interrompe pendant l'émission. C'est que je me souviens qu'à l'été 82, Jacques Languérin, qui a des émissions à Radio-Canada, Jacques m'avait envoyé justement un dossier à propos du trafic d'organes sur la planète, dossier que je n'ai jamais eu le temps de publier, parce qu'il était aussi interrelié avec le trafic de la prostitution d'enfants dans certains pays asiatiques où les enfants à 10-11 ans sont très beaux, puis qui servent de pâture, en fin de compte, aux différents touristes de différents pays, puis personne n'a voulu toucher ça en profondeur à l'heure actuelle. Non, parce qu'il y a même un organisme international qui s'appelle impliqué dans ces réseaux de trafic d'enfants. Ben voilà, c'est ça. Les dossiers ne sont pas terminés parce que la semaine prochaine, je demandais à notre ami Serge Monod de revenir nous parler de son autre livre qui s'en vient après, celui qui est attendu par beaucoup de la population. C'est le livre sur... La conspiration de l'âge verso, le gouvernement mondial de l'Antéchrist. Et pour la première fois, il y a beaucoup de gens qui vont se dire, écoutez, on entend ça, il y a des volumes qui existent là-dessus. Je peux vous dire une chose. D'après mon expérience personnelle de tous les groupes religieux, de toutes les différentes tendances que j'ai pu rencontrer depuis des années, les informations contenues dans le volume ne sont pas connues nulle part et je ne les ai entendues nulle part à l'actuel. C'est la première fois que ces informations-là vont sortir. C'est un démasquage complet de tout ce qui est le Nouvel Âge, de toutes les formes de mode, de mécanismes de pensée que les gens véhiculent quotidiennement sans s'en rendre compte, et je démontre à l'intérieur de ça par qui ces modes, les modes des magasins du Nouvel Âge ou de quoi que ce soit, de tout ce qui peut circuler, comment est-ce que ça a été fabriqué, à quel endroit et dans quel but? Et dans quel but? Justement, dans quel but? Ça me rappelle l'histoire de John F. Kennedy. On a longtemps couru à savoir qui avait tiré John F. Kennedy, comment on l'aurait tiré, mais on ne se posait pas la question essentielle de pourquoi. Alors là, maintenant, on touche l'essentiel. C'est pourquoi toutes ces choses-là arrivent. Et quand on répond à pourquoi, là, on frémit. Merci, Serge Monod. À la semaine prochaine. D'accord. Merci. Merci. Ici, un document publié par M. Serge Monod, journaliste international, le numéro 2 de cette agence internationale de presse libre nord-américaine. Et vous le voyez sur la page couverture, confidentiel, urgent, original, copy. Le ministère de la Justice des États-Unis. Évidemment, c'est une traduction d'un document authentique. Et nous allons regarder quelques extraits à l'intérieur de ce document. Vous voyez la carte des États-Unis avec plusieurs endroits encerclés qui représentent les endroits où il y aurait, semble-t-il, des camps de concentration, plus de 140 camps de concentration dans le projet REX 84, et on en parle, c'est des plus belles et des plus mûres. On a avec nous M. Serge Monod. Bonjour, Charles. Mais là, je pense que votre journal, là, il a tout à fait raison d'être rouge, hein, parce que là, on se brûle. Parlez des camps de concentration. Est-ce qu'il y a des camps de concentration au Québec aussi, puis dans quel but? Bon, moi, en fin de compte, pour bien situer ceux qui nous regardent dans le contexte de ce rapport-là, des journalistes américains m'avaient envoyé un dossier. C'était le programme du ministère de la Justice des États-Unis et du ministère de la Défense concernant l'établissement des camps de concentration. Les journalistes qui m'ont envoyé ça m'ont fait savoir que le dossier n'avait jamais été publié au complet aux États-Unis. Il y avait le directeur du Oakland Tribune en 1976 qui avait fait un article sur un des paragraphes, en fin de compte, concernant ce dossier-là. Malheureusement, une semaine après, sans qu'on sache pourquoi, il était mort. Donc, le document original en anglais, qui est en caractère très serré, n'a jamais été publié intégralement aux États-Unis. Et lorsque les journalistes m'ont envoyé ça, ils m'ont demandé, ils ont dit, écoute, Serge, on aimerait savoir ce que tu en penses, puis que tu puisses faire des vérifications sur un dossier qui est réel et qui est croissant en même temps. J'ai fait des recherches, j'ai appelé à plusieurs endroits à travers les États-Unis et en Australie. J'ai reçu d'autres documents, soit d'ordre économique ou dans d'autres domaines, au niveau militaire, policier et autres, et qui m'ont confirmé qu'effectivement, non seulement il y avait un programme d'établissement de camps de concentration, mais que celui-ci était beaucoup plus élaboré que le document original le laissait croire au départ. Mais les camps de concentration, il me semble que ça passe pas inaperçu, là. Oui, la façon que ça a été organisé, ça passe inaperçu, dans le sens que la majeure partie de ces camps-là sont situés soit à proximité ou à l'intérieur de bases militaires américaines. Mais ce qui est quand même bizarre, comme celle qui se trouve en Floride, c'est que dans une base militaire, dans une prison militaire, on retrouve des prisonniers de droit commun au niveau civil. Et après avoir fait des recherches dans différents camps, y compris en Alaska, on a fini par découvrir qu'on maintenait un nombre très limité de prisonniers civils pour tenir les camps d'activité, mais que certains de ces camps-là pouvaient contenir jusqu'à 100 000 prisonniers et plus à l'heure actuelle. On a des rapports que sur l'entraînement, ce qui va sûrement surprendre des gens, l'entraînement de troupes militaires soviétiques, coréennes, de Mongolie, d'anciennes régions du bloc de l'Est sur la frontière du Mexique, sous le couvercle des Nations Unies, et ces troupes traversent la frontière mexicaine, américaine et canadienne sans jamais être bordées par les gardes frontières. Ce sont des entraînements. Pour des raisons de sécurité d'État. Ah oui, ça, on a juste à poser, comme des journalistes américains me disaient, on a juste à poser, bon, écoutez, sécurité ou secret d'État, et à ce moment-là, plus personne n'ose parler de quoi que ce soit. D'accord? Bon, vous voulez vous dire que dans le système démocratique nord-américain, il existerait un autre système en parallèle qui est système militaire ou paramilitaire? Le fameux complexe militaro-industriel américain. Qui a continué de grandir et qui s'est drôlement accru en importance, surtout pendant la guerre du Vietnam, est un gouvernement à l'intérieur du gouvernement américain, mais un gouvernement aussi indépendant avec toutes ses structures, excessivement puissant. Il est à remarquer qu'on est en train, en même temps à l'heure actuelle aux États-Unis, de mettre sur pied ce qu'on appelle une force de police nationale tout à fait spéciale, dont, d'après les sources d'informations que j'ai, les uniformes sont noirs, les chars d'assaut sont noirs, les hélicoptères sont noirs, tout l'équipement est noir d'un bout à l'autre avec des sigles rouges dont j'attends des copies. Ah bon, déjà dans nos documents, nous avions déjà montré le fameux sigle d'un triangle. C'est un triangle rouge, effectivement, avec supposément 3-7 renversés qui correspondaient à des 6, tout différent, tout dépendant de l'endroit, l'angle sous lequel on le regarde. Mais ce qui est important, il y a un abonné, et la source d'information est sûre, il y a un abonné qui a communiqué avec moi puis qui avait présenté le document à un de ses amis, qui est un ex-agent de la CIA, qui vit dans les Laurentides. Et les deux réactions, puis je considère que c'est une confirmation pour le numéro que j'ai publié, c'est que l'ex-agent de la CIA a confirmé qu'effectivement, toutes les sources d'information dans la revue étaient réelles. Et il a aussi manifesté son énorme surprise à savoir comment ça se faisait qu'un journaliste canadien puisse posséder autant d'informations que ça, surtout sur des sujets qui n'ont jamais été publiés nulle part, qui ne sont pas connus des populations. Là, sous votre nom, on a vu apparaître un numéro de téléphone, on peut le dire aussi à l'écran. Là. Mm-hmm. C'est dans le 514? C'est dans le 514, le 270-1235. Les gens peuvent appeler sans aucune restriction s'ils veulent avoir plus d'informations à propos de ce numéro de revue-là. Il y a un répondeur automatique. Il y a aussi un répondeur automatique. Il y a quelqu'un qui va leur répondre, qui va prendre leur nom, leur numéro de téléphone, qui va leur donner les indications comment se procurer ce numéro de la revue. Où est-ce qu'on pourrait se le procurer, à part par le téléphone? Est-ce qu'il y a des endroits où il est disponible? À l'heure actuelle, malheureusement, il n'y a pas d'endroit. Tu sais, si on se rappelle la première fois qu'on avait parlé du Lamy-Nu moins 15 secondes, il y a même des libraires qui ne voulaient pas l'avoir parce qu'ils avaient peur que leur vitrine soit cassée. C'était juste Lamy-Nu moins 15 secondes à Ottawa. Je n'ose même pas imaginer pour un dossier semblable qu'est-ce que ça pourrait représenter. En tout cas, lors de nos conférences, regardez à la fin de l'émission à quelle date on aura des conférences à Montréal et à Québec et même à Rimouski bientôt. Alors, vous aurez évidemment accès à la fameuse revue de M. Serge Mona. Maintenant, j'aimerais vous poser une question qui est très importante et qui nous concerne tous en tant que spectateurs. Ça s'adresse à qui, ces camps-là? Bon, la façon que les... on va les mettre dans ces camps-là? La façon que les plans sont mis sur pied aux États-Unis, de sources sûres, avec preuves à l'appui, on sait que par le biais des Nations unies, on veut instaurer un nouvel ordre mondial pour l'an 2000. Milieu 1999, en 2000, avec un énorme spectacle cosmique, ainsi de suite, toute la patente pour être sûr d'impressionner les gens. De toute la planète. De toute la planète en même temps. Comme on disait dans les textes sacrés, la vitesse de l'éclair de l'Orient à l'Occident. Évidemment, ah, par les satellites. Ça explique beaucoup, en fin de compte, les voyages de la navette spatiale et tout ce qu'ils sont en train de faire dans l'espace. Mais pour revenir aux camps de concentration, les camps de concentration sont organisés de manière à servir à la première étape de camp de rééducation pour tous ceux qui ne seront pas d'accord avec l'établissement d'un nouvel ordre mondial. Et il faut dire que toutes les techniques utilisées ou expérimentées entre la CIA et la médecine militaire aux États-Unis vont faire l'objet d'un prochain dossier que je vais publier là après celui-là dans le courant de septembre. Et qui va démontrer en profondeur toutes les manières dont ils vont s'y prendre pour faire des lavages de cerveau, briser la personnalité, rééduquer les gens en fonction qu'ils soient capables d'accepter un nouvel ordre mondial, même s'ils ne veulent pas l'accepter. Ils sont rendus très loin au niveau de la recherche technologique dans ce domaine-là. Mais pouvez-vous bien me dire, Serge Mona, pourquoi être contre un nouvel ordre mondial? Une langue, une religion, une politique, une nature humaine à protéger sur la surface de la Terre. Pourquoi pas? Diviser pour régner. Si finalement on arrive à un gouvernement mondial, l'unité va faire la force. Oui, mais il y a un seul problème, c'est que le gouvernement mondial qui va s'instaurer s'instaure dans une orientation précise qui n'est pas à la faveur des populations, qui est ni plus ni moins qu'un régime communiste, mais à l'échelle mondiale. Une dictature. Une dictature beaucoup plus poussée que celle qui existait avec Hitler. Hitler est un enfant d'école à côté de ce qu'on veut instaurer à l'échelle planétaire. Donc, essayait Hitler était un terrain d'essai, en fait. Ouais, donc, un terrain d'expérimentation, de la même manière, comme j'en ai déjà parlé, que l'URSS, ça a été un terrain d'expérimentation à bien des niveaux pour ces personnes-là au niveau international. Ben, dès qu'on utilise le mot « camp de concentration », on pense tout de suite au camp de concentration allemand contre les Juifs. C'est la réaction de certaines personnes. Il y en a qui regardent la revue et m'ont dit « Écoutez, vous avez fait quelque chose sur les camps de concentration de la Deuxième Guerre. » J'ai dit « J'aurais souhaité faire quelque chose de semblable, mais j'ai dit ça concerne plutôt les années 90. » Là, j'avais des bizarres de réactions devant moi. Ouais. À l'heure actuelle, j'ai même reçu un appel de la Louisiane, tant que le document circule aux États-Unis, de quelqu'un qui voulait avoir une copie de la revue. D'après ce que j'ai su, c'est un état de choc général à beaucoup d'endroits. Oui. Bien, évidemment qu'à l'époque de Adolf Hitler, si dans les années 20, au début des années 30, quelqu'un avait osé dire à la population, même allemande, puis à tous les autres peuples de la Terre, on est en train d'installer des camps de concentration, on va exterminer des Juifs et des détracteurs du système du Troisième Reich. À ce moment-là, c'est évident qu'on l'aurait mis au banc de la société. On aurait dit un peu comme on pourrait penser de vous. C'est un paranoïaque. Oui, mais d'un autre côté, il est très difficile d'essayer de faire passer un journaliste pour un paranoïa quand que le journaliste en question arrive avec des preuves et des références qui sont vérifiables. Ça, c'est très difficile de pouvoir passer à côté. Deuxièmement, si un journaliste, à l'époque de 1930, avait poussé une enquête aussi loin que ce dossier-là, à cette époque-là, ça aurait changé beaucoup de choses. Les Allemands n'auraient peut-être pas pu fonctionner aussi facilement avec la complicité de beaucoup d'autres comme ils ont été capables de le faire. Parce que les populations ayant été au courant sur toute l'Europe d'une chose semblable, la résistance aurait été amplifiée de beaucoup par rapport à ça, y compris à l'intérieur du peuple allemand. Mais là, la résistance, si on pense que c'est vrai, là, tout ça, là, est difficile. Parce qu'on a désarmé les populations civiles en disant qu'on n'a plus le droit de désarmer. C'est ça. On a vu des fous qui ont tiré sur des filles à Polytechnique. À partir de là, on a fait des pétitions. Il faut désarmer les gens, il faut désarmer. Alors, si on s'apercevait que c'est vrai tout ça, comment on pourrait empêcher ça? Et la chose de première importance est la diffusion de l'information à la base. Deux, par la conscientisation, par la diffusion de l'information, ça ne pourra pas faire autrement que de créer un scandale et de faire des pressions sur les hommes politiques en place. À forcer, malgré eux autres, les hommes politiques à parler de ces questions-là, il est sûr que ça va retarder des procédés qui sont en cours à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, ils ont la voix libre à tous les niveaux, parce que au départ, les gens ne sont pas conscients de ce qui se passe. Et les politiciens sont en capacité d'arrêter un plan mondial qui se fait fi des démocraties. Ah, il se fait fi complètement. Il se fait fi complètement des démocraties. Changer ça? leur plus grande peur est que les populations deviennent conscientes, parce que ça va être beaucoup plus difficile de l'instaurer, parce que les gens vont commencer à s'organiser par eux-mêmes à ce moment-là. On a dérégionalisé sur toute la planète et on a juste à regarder les cartes, en fait, compte géographique de 1930 au niveau agricole, et les cartes géographiques au niveau agricole de 1990 pour se rendre compte de quelle manière on s'y est pris au niveau planétaire pour amasser les gens au niveau des villes. Les enlever tout moyen d'indépendance. D'autonomie. D'autonomie, d'indépendance. Le premier but du gouvernement mondial, soit en désarmant les gens, soit en les ramassant à l'intérieur des villes, c'est de les rendre dépendants, absolument. Il n'y a rien de pire pour eux autres que des personnes qui sont autonomes et qui sont capables de se débrouiller par eux-mêmes. En les intoxiquant de médicaments, de nourriture qui a été... Il y a des fraudes invraisemblables dans le milieu pharmaceutique à l'heure actuelle. J'ai reçu des documents là-dessus et je vais en parler dans d'autres émissions à un moment donné, où les compagnies, les multinationales pharmaceutiques s'organisent de manière à ce que les médecins privilégient des médicaments et les prescrivent à des gens, même s'ils n'en ont pas de besoin, afin de faire fonctionner ces compagnies pharmaceutiques-là, et dans un autre temps, pour que ces gens-là soient dans une espèce de léthargie, sans être capables de trop réagir, écoutez, ça va bien, on est calmé, on ne connaît pas la source, par exemple, de nos problèmes, mais au moins on est calmé pour être capable de les supporter. C'est aussi... le meilleur des mondes, quoi. Oui, mais il y a un principe aussi, c'est que les gens n'aiment pas se faire réveiller. Personne n'aime se faire réveiller brutalement. Non, mais personne non plus aime se faire conduire ou se faire diriger contre leur volonté. Et c'est ce qu'on est en train d'instaurer à l'heure actuelle. Dans le gouvernement mondial, il y a un principe, c'est que les gens veulent le bonheur et on va s'arranger pour leur demander par des sondages, Gallup et tout autre, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils veulent, les gens. Bon, et à partir de là, c'est ça, on l'a déjà fait depuis des années, on fait ça. Et à partir de maintenant, on va leur redonner ce qu'ils veulent. On va s'arranger pour que ce qu'ils veulent, ce soit quelque chose qui fasse l'affaire du gouvernement mondial. Je vais te dire une chose après des documents que j'ai reçus dernièrement. Juste au niveau de la famille, l'orientation du gouvernement mondial va permettre aux femmes et aux familles de pouvoir garder les enfants qu'ils vont enfanter, en autant que les parents vont leur donner une éducation et une orientation avec les principes d'un nouvel ordre mondial. Toutes les familles ou les femmes qui ne seront pas d'accord de donner une éducation semblable selon les principes établis internationalement, à ce moment-là, les enfants vont être enlevés pour être éduqués dans des centres spéciaux. Mais là, j'aimerais bien voir, parce que là, vous foncez régulièrement à boulet rouge contre l'instauration du nouvel ordre mondial, et j'aimerais qu'on définisse qu'est-ce que c'est le nouvel ordre mondial, quelles sont les valeurs du nouvel ordre mondial contre les valeurs qui sont, d'après moi, peut-être, primitives, qui sont des valeurs de clocher. Je suis justement en train de préparer un volume là-dessus, qui est le volume au niveau de la conspiration de l'âge verso, là, que je vais sortir à la fin de l'automne, et à l'intérieur duquel on va voir exactement qu'est-ce que le nouvel ordre mondial privilégie, encourage comme orientation, et de quelle façon qui s'est organisée par la manipulation psychologique des populations à le faire croire que les valeurs qu'ils possédaient auparavant sont maintenant des valeurs dépassées. C'est pour ça qu'on appelle ça nouvel ordre mondial, nouvelle forme de pensée, nouvelle orientation, nouvelle technologie. Tout est nouveau, donc, par rapport à quelque chose qui est considéré comme ancien. Et désuet. Désuet, justement. Et c'est là que c'est dangereux, parce que si on regarde une des choses qui a été faite au niveau de l'instauration de ces camps de concentration-là, c'est qu'on a même commencé à changer le système judiciaire aux États-Unis, et semble-t-il au Canada aussi, de manière... Les avocats sont actuellement sur les bancs d'école. Justement, de manière à ce que la personne qui croira dans sa nationalité, qui sera nationaliste, OK, va être considéré au niveau des nouvelles définitions comme une personne étant atteinte de troubles mentaux. Et les lois sont organisées de telle manière que la personne qui reçoit des croyances religieuses, la personne qui croira dans sa nationalité ou dans ses traditions, on va la considérer comme une personne atteinte de troubles mentaux et potentiellement capable de violence à cause de ça, parce que venant, en fin de compte, d'une tradition passée par laquelle ces choses-là ont déclenché de la violence à travers l'histoire. Et à partir du moment que cette personne-là est considérée comme, juste considéré, il n'y a rien de prouvé, là, on lui enlève tous ses droits pendant une période de 90 jours. Elle n'a plus droit à avoir un avocat pour se défendre. tous ses biens sont saisis, les comptes de banque sont gelés, tout, et à ce moment-là, on peut faire ce qu'on veut avec la personne, elle n'a même pas la possibilité de se défendre. Et ces lois-là sont à l'heure actuelle en vigueur aux États-Unis. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Tout est en place à tous les niveaux. On est en train de tout instaurer, de changer le système judiciaire, les lois, sans que les populations s'en rendent compte, parce que pendant ce temps-là, on leur donne du pain et des jeux. Bon, là, on leur donne des loteries, on leur donne n'importe quoi pour qu'ils ne prennent pas le temps de réfléchir, de voir qu'est-ce qui se passe. On, c'est qui ça, on? On, c'est ceux qui veulent instaurer le nouvel ordre mondial. Qui? Par exemple, au niveau des Nations Unies, ceux qui font partie de la commission trilatérale, si on veut mettre des noms comme Rockefeller, Rothschild, les Illuminati, la franc-maçonnerie internationale, ce sont eux qui sont en train d'installer ce nouvel ordre-là. On entend parler de la franc-maçonnerie, mais c'est des bons gars. Les gens qui font partie de la franc-maçonnerie, ils sont là un petit peu comme des boy scouts pour adultes, les chevaliers de Colomb. Il y a quand même deux sortes de francs-maçons. Il y a quand même ceux qui font partie de ce qu'on appelle le Grand Orient de France et qui sont ceux qui ont pensé la Révolution française, les Illuminati, qui l'ont mis sur pied, qui ont mis sur pied le système communiste, qui ont mis sur pied le nazisme en Allemagne. Et ceux qui font partie d'une franc-maçonnerie comme étant un club tout simplement social comme il y en existe au Québec, les gens se rendent compte, ils ont des pique-niques de fin de semaine, des choses, il n'y a rien de dangereux dans ces loges-là au Québec. On ne parle pas de la même chose. Là. Non, parfait. Okay. C'est complètement différent. Oui, alors donc, pour ceux qui aiment avoir des cauchemars la nuit et qui veulent avoir des bonnes raisons d'en avoir des mal de ventre, vous pouvez toujours contacter Serge Mona au numéro de téléphone que vous avez vu au cours de l'entretien. Et dans ce document de plusieurs dizaines de pages, là, je pense... Le dossier en caractère serré a 50 pages. Si je le mettais dans un livre comme tel, avec un caractère de moyenne grosseur, il y aurait facilement 100 pages. C'est ça. Et on ne peut pas parler de prix ici, mais en contactant... Les gens vont avoir toutes les informations, y compris les informations sur le numéro qui va suivre celui-là et sur lequel je vais donner une conférence demain là, à Saint-Sauveur, et qui porte sur les nouvelles technologies développées entre la CIA et les forces militaires américaines pour le contrôle direct des individus, indépendamment de leur volonté. Merci, Serge Mona. J'espère que vous serez toujours vivant. qu'on continue à informer les gens. Et je vous laisse en regardant quelques articles de journaux qui pourraient vous laisser perplexe. Bonjour, bienvenue madame, mademoiselle, monsieur, cette émission d'ésotérisme expérimental, l'émission numéro 21 pour ceux qui la suivent à travers les cassettes VHS. Eh bien aujourd'hui, on a tout un programme avec un invité que nous avons rencontré il y a deux semaines où on va parler d'un système, d'une société occulte qui dirige par en arrière des mouvements politiques extérieurs, la politique mondiale. Monsieur Serge Mona, journaliste international, vient de publier un livre intitulé Le corps mystique de l'Antichrist. Et tout de suite après, nous rencontrons un invité, M. Louis Fauteas, qui nous parle à travers les documents d'Urantia de l'organisation politique d'une autre planète. peut-être que ceux-là, ils sont pas piégés là, dans l'univers de Satan, de ses œuvres, de ses pompes, mais qu'ils ont des êtres conscients pour diriger le peuple sur cette autre planète qui ressemble un peu à la Terre. Vous savez que Urantia prépare un gros congrès international qui aura lieu à la fin du mois de juillet, au début du mois d'août à Saint-Hyacinthe, et c'est la raison pour laquelle, presque chaque semaine, on revient sur le livre d'Urantia. Mais avec des facettes différentes, puisqu'il s'agit d'un livre extrêmement consistant, il y a énormément de matière. Et aujourd'hui, donc, on parle de l'organisation politique ailleurs et ici. Et une autre organisation très importante, c'est l'organisation de sa vie. Et pour ça, j'ai demandé à M. Armand Lamoureux, qu'on a vu déjà il y a quelques semaines, de nous parler du plan de vie, un plan pour s'organiser dans sa vie, avoir un plan, un peu comme quand on construit une maison, avoir des vêtements dans cette société occulte, dont je laisserai le plaisir à notre ami Serge Monat de nous révéler le nom de cette organisation qui dirige à peu près toutes les politiques du monde. Bonjour Serge. Bonjour toi. Alors, journaliste international, je vous présente parce qu'il y a peut-être des gens qui ne vous ont pas vu il y a deux semaines. Toujours. On avait parlé l'autre fois de... Il est minuit moins 15 secondes à Ottawa. Ouais. Et là, on se disait même qu'il était peut-être déjà minuit et 15 secondes. Là, c'est déjà dépassé. Moi, c'est ce que d'autres journalistes m'ont dit. C'est d'ailleurs ce que Gilles Poux de CJMS... D'ailleurs, son rechercheur se faisait ressortir. Il doit être rendu minuit moins 5 secondes. La façon qu'il y a une débandade à Ottawa, j'ai dit, écoutez, méfiez-vous des débandades apparentes qui cachent toujours d'autres choses en arrière, surtout au niveau d'une organisation occulte sur le plan international. Parce qu'un bonhomme, comme le premier ministre du Canada et d'autres, où tout le monde démissionne en bloc, comme par hasard, ces gens-là ne détruisent pas systématiquement les fondements d'un pays, comme ça, juste pour s'amuser. Il y a d'autres personnes qui tirent des ficelles, puis il y a des récompenses de rattacher à de tels gestes. Là, on voit la page couverture en photocopie, parce que votre livre est actuellement sous presse, là. Le corps mystique de l'Antéchrist. On voit là, la svastika, la croix gammée, puis là, je reconnais là, le confort. C'est le symbole international de la franc-maçonnerie. Oui, c'est bon. Ça. Celui qui est ici, là, c'est ça. Là. Ah. Ce qui est bien important, en fin de compte, Richard, ouais, de faire ressortir au niveau de la franc-maçonnerie, parce qu'il y a beaucoup d'objections qui arrivent à ce niveau-là. Il y a des gens qui disent, écoutez, c'est pas une société dangereuse, ils ont même des œuvres de bienfaisance, c'est un des groupes de rencontres, ils échangent des idées, des choses comme ça. Ça, c'est la façade. La façade sociale, la façade humaine présentée par la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie réelle, qui part de 1776 avec le groupe des Illuminati en Bavière. Faut dire, en partant, je fais une parenthèse, que le groupe des Illuminati en Bavière, c'est eux qui avaient comme élèves à cette époque-là et qui ont financé Diderot, Voltaire, Jean-Jacques Rousseau et qui ont mis sur pied la Révolution de 1789. La Révolution française. La Révolution française. Qui avait pour devise liberté, égalité, fraternité. Oui, mais les mots liberté, égalité, fraternité ont été d'abord pensés dans les loges maçonniques. Exact. Ils sont pas sortis comme ça le jour au lendemain de quelques individus. Et la Charte des droits de l'homme qu'on retrouve à l'heure actuelle sur la planète et qu'on retrouve aussi au niveau des Nations unies, oui, est une charte qui a été pensée par les francs-maçons dans les loges maçonniques au 19e siècle. De la même façon que tout le système d'éducation que le Québec a connu depuis les années 60, le système de l'école neutre avec tous les bouleversements qu'on a connus, a été pensé dans les loges maçonniques avant d'être réalisé dans les faits. Ça ne doit pas être un succès parce qu'ici au Québec, on tient encore à l'école d'allégeance religieuse. On parle des commissions scolaires qui sont toutes catholiques ou protestantes. On n'a pas encore le système neutre. Ça, c'est au niveau de l'apparence. Mais si on le regarde en profondeur, la réussite est totale à l'heure actuelle, surtout lorsqu'on lit le volume « Le corps mystique de l'Antéchrist » avec les plans qui avaient été pensés en 1860 et 1895 à ce niveau-là. Mm-hmm. D'ailleurs, tout le mouvement, j'ai absolument rien par rapport au mouvement de libération de la femme. La femme est égale de l'homme, ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Sur le plan humain, on le sait. Mais faut dire que tout le mouvement de libération de la femme, le mouvement au niveau de l'éclatement de la famille, les droits de l'enfant, c'est des choses qui ont déjà été pensées dans les loges maçonniques avant d'arriver dans les sociétés. C'est pas des choses qui ont poussé comme un champion en pleine nuit. Ouais. Mais revenons pour continuer aux Illuminati, à la franc-maçonnerie, dans sa réalité, qu'est-ce que c'est? La franc-maçonnerie est avant tout, et ça va peut-être surprendre des gens, c'est une organisation religieuse, c'est une église. Il se considère comme tel, il se considère comme la nouvelle Église, comme étant la seule ayant droit d'existence sur la planète. C'est une Église fondée sur les écrits qui ont fait, en fin de compte, sortir par Jean-Jacques Rousseau à cette époque-là, c'est-à-dire au niveau de l'homme naturel. L'homme naturel par rapport à la nature, à ce moment-là, on ne reconnaît pas la famille, il faut faire éclater la famille. On ne reconnaît pas les liens au niveau des actes du mariage, au niveau des choses de naissance, ainsi de suite, comme ça se passe dans nos sociétés organisées, on s'arrange pour les faire éclater. Et le meilleur exemple que tu peux avoir au niveau de cet éclatement-là, c'est la révolution d'octobre en 1917 en Union soviétique, qui a formé, en fin de compte, le communisme, qui a donné naissance au communisme. Lénine a été formé dans les loges maçonniques. Il y en a plusieurs qui vont sûrement être surpris, mais la plupart des écrits que Lénine a sortis, il les a pris à partir des loges maçonniques, et ils les ont appliqués sur un plan politique, sur un plan matériel en Union soviétique pour une épuration complète de la population. Quel est leur objectif au... L'objectif... Cette maçonnerie, parce qu'il faudrait distinguer deux types de maçonnerie. Il y a la maçonnerie des Boy Scouts pour adultes, qui se servent de gens comme paravent pour faire des bonnes œuvres, faire des actions positives. Et on va trier à travers le lot dans cette société les individus qui ont les propriétés au niveau de leur âme pour accéder à des plans occultes de la franc-maçonnerie. Et ceux-là, on les pousse pour qu'ils montent. C'est ceux-là qui montent dans la hiérarchie. Il y a les 33 degrés de la maçonnerie, les 33 ans du Christ, on pourrait dire. Ça revient au tout. Tout à l'intérieur de la franc-maçonnerie procède d'une inversion des valeurs chrétiennes, au départ. C'est anti-chrétien. Anti-chrétien jusqu'au bout. Le 33e degré... Mon cher, mais là, vous risquez de vous faire démolir après l'émission, ça n'a pas de bon sens. Moi, parce qu'on sait une chose, oui. Je pense que même le premier ministre du Canada, il est dans une des loges franc-maçonniques. Ils sont obligés de passer par là pour être dans le système politique international. Moi, je vais te dire une chose, Richard. Si on prend les documents de 1940, ouais. À l'exception du président Adams aux États-Unis, tous les présidents avaient et appartenaient à la franc-maçonnerie. Mm-hmm. À cette époque-là, 65 % des sénateurs américains appartenaient à la franc-maçonnerie. Ils sont obligés d'y appartenir, sinon ils ne passent pas. Mais les pères de la Constitution américaine, Jefferson, Benjamin Franklin, étaient tous des francs-maçons. Ils étaient reliés avec les groupes comme Lafayette, Voltaire qui rencontre en France, ainsi de suite. C'était une continuité des loges françaises. Mais plutôt que de penser qu'ils veulent le mal de l'humanité, est-ce qu'on peut pas penser qu'en toute bonne volonté, ils veulent le bien? Puis quand vous dites une épuration de la population, ça serait le genre de ce qui se passe en Yougoslavie, d'une épuration raciale, religieuse, spirituelle, pour que finalement ne règnent sur la Terre que ceux dans la race humaine qui méritent de régner. Et que les autres soient utilisés comme des esclaves, comme le voulait Adolf Hitler. Les nazis, puis à part des nazis, c'était le petit peuple. Tu vois, pour répondre à ta question là-dessus, ouais. La révolution russe, le communisme comme tel, et l'application matérielle et politique. Ouais. Une tentative, en fin de compte, un essai qu'ils ont fait au niveau de toute une nation. Pour Hitler, c'est une tentative au niveau spirituel. Et ce que je m'explique à l'intérieur de ça, c'est que Hitler était considéré non seulement comme un sauveur, c'était plus qu'un homme politique pour le peuple allemand, il était une réincarnation au niveau des anciens dieux allemands, et beaucoup plus que ça, il était l'individu qui avait été choisi par Dieu pour redonner au peuple allemand ce qui lui revenait de droit, en fin de compte. Et c'était, en diminutif, ce qu'ils veulent établir au niveau d'un gouvernement mondial avec l'Antéchrist au pouvoir. D'ailleurs, le gouvernement mondial, ce serait, si on veut, la suite logique là, de cette domination. C'est une suite après logique, Hitler, effectivement. Le Troisième Reich est disparu, on est sous maintenant le Quatrième Reich. À l'heure actuelle, on pourrait dire ça, mais prends juste ce qui est sorti aux nouvelles, là seulement à peu près 48 heures sur les bulletins de nouvelles, où on va envoyer une force spéciale à Haïti, une force de police internationale. Il y a deux choses à remarquer à l'intérieur de ça. Un, on veut choisir, et on a précisé qu'on veut choisir les contingents militaires canadiens-français pour les envoyer à Haïti. Et à ce moment-là, on rejoint ce que j'avais mis dans mon premier volume, il est minuit moins 15 secondes d'Ottawa, pour départir le Québec de toute opposition militaire possible pour les plans qu'ils ont en tête à l'heure actuelle. Les troupes des Nations Unies du Canada qui sont en Yougoslavie, c'est... Des Canadiens-Français. Justement. Ben ouais. Et deuxièmement, on est en train de mettre psychologiquement dans la tête des gens L'existence d'une police internationale nécessaire, mais la police internationale nécessaire est un diminutif, là, une police réelle qui va gérer, en fin de compte, le bien-être des gens sur la société de la planète, sous un gouvernement de l'Antéchrist. C'est en plus gros qu'est-ce qui existait sous Hitler ou sous d'autres régimes qui ont existé où il y avait une police spéciale pour surveiller les intérêts de l'État. Mais faut se dire qu'au départ, ceux qui deviennent présidents des États-Unis, qui deviennent présidents des nations à l'actuel, faut qu'ils aient passé le 33e degré de la franc-maçonnerie. Ouais. Quel est en réalité ce 33e degré-là? 33e degré se compose d'une messe noire obligatoire, d'un sacrifice humain. On tue quelqu'un véritablement, soit qu'on a enlevé ou ainsi de suite. Ça fait partie du rite initiatique à ce moment-là. Et troisièmement, c'est la glorification de Satan et l'établissement du règne de Satan sur la planète. C'est ce que cherchent réellement pour eux autres. Mm-hmm. Ils sont dans leurs droits, ils ont le droit de le faire, et c'est les sociétés issues des valeurs christianistes qui sont dans l'erreur, qui ont usurpé le droit, en fin de compte, à Satan d'exister sur la planète. Ben, le Christ le disait, lui, qu'on était dans l'univers de Satan, de ses œuvres et de ses pompes. On est dans l'univers. Quand on dit on est dans l'univers, on est sur la planète. Ça y appartient. Ouais. Alors, mon cher ami Serge Monod, avec son livre Le corps mystique de l'Antéchrist. C'est un document excessivement rare, je dois dire, que la franc-maçonnerie va essayer de faire disparaître par-dessus, disparaître dans la poussière et ainsi de suite. Et que je prends le risque de sortir, mais il faut que la vérité sorte, sinon les gens ne seront pas informés. Alors, quelle couleur il va être en page couverture? Parce que là, on noir a une photocopie seulement. Là. Il va être comme ça, là, noir et blanc. Noir et blanc, justement. Bon, bon. Alors, le corps mystique de l'Antéchrist par Serge Monod. Merci, M. Monod. Bonne chance. On a vu un numéro de téléphone apparaître sous votre nom à l'occasion. C'est votre nouveau numéro de téléphone. Des gens peuvent vous rejoindre. Oui. Et il devait, je pense, laisser un message digital. Ouais, je dois préciser que à la dernière émission où je suis passé à propos du milieu moins 15 secondes à Ottawa, il y a au-dessus de 100 personnes qui ont appelé. Ils devaient laisser un message digital et ils ont laissé un message vocal. Ils ont parlé avec le voix de dire, bon, mon nom, ça, mon numéro. Et aucun de ces messages-là n'a été enregistré. Donc, pour tous les gens aujourd'hui qui regardent l'émission, je leur demande de rappeler, parce que les premiers messages n'ont pas été enregistrés. Il y a quelqu'un qui va leur répondre puis qui va enregistrer le message vocal lorsque les gens vont parler. Ah bon, parfait. Ou ça va être un répondeur automatique. Justement. Oui. C'est moi qui parle dessus. Parfait. Merci et encore une fois, bonne chance. C'est moi qui te remercie. Rencontrerons M. Serge Monod, journaliste d'enquête de Regrets et Mémoires, qui avait fait des enquêtes très compromettantes sur les dossiers de la politique, de l'économie, du plan médical, de l'avenir du monde. Ce sera donc un rendez-vous très spécial à ne pas manquer. La conspiration de l'âge verso, ça se joue au niveau international. Si on veut comprendre comment est-ce que l'économique fonctionne sur le plan international, c'est peut-être bizarre, mais le meilleur exemple qui existe à ce niveau-là est le jeu de Monopoly. C'est un monopoly parce que l'argent en soi n'a aucune valeur. En tout cas, pour ces gens-là, elle n'a pas. Ils ont réussi à faire croire aux populations qu'elle en avait une. Ils ont très bien réussi. Il y a des volumes qui existent là-dessus. Donc, au niveau international, c'est une lutte de pouvoir entre différents clans et en différents groupes pour s'assurer une place de choix dans l'éventualité de la formation d'un gouvernement mondial. Okay? Comme si on prend des bonhommes comme Bush ou d'autres qu'on considérait comme étant les plus importants au niveau international, ce n'est pas eux qui sont les plus importants, ils sont seulement, comme Kissinger, les valets de personnalité qui, elles, sont dans l'ombre. Donc, les personnes qui ont le vrai pouvoir, et c'est pour ça qu'on l'appelle en premier lieu le pouvoir occulte, c'est que ces personnes-là ne sont pas des personnes de façade, c'est pas eux autres qui sont au premier plan. Et là, on rentre dans le jeu politique de Machiavel, c'est-à-dire que ceux qui se font descendre ou ceux qui reçoivent les baffes, c'est jamais ceux qui ont le contrôle. C'est trop le représentant. J'ai eu des moyens de bataille lorsque je parlais à des étudiants et des professeurs à l'Université de Montréal au mois de janvier-février. J'ai dit, il va falloir que vous soyez capables dans vos cours en sciences politiques, sciences économiques et autres à l'université, d'être capable de vous asseoir et de penser en fonction de stratégie. Qu'est-ce que ça implique, le mot stratégie? Le mot stratégie, ça ne tient pas compte de vos souhaits, de vos pensées personnelles. Le mot stratégie implique la connaissance de l'adversaire jusque dans ses moindres pensées, c'est-à-dire que vous êtes capable de savoir de quelle façon qu'il pense, de quelle façon qu'il va réagir et qu'est-ce qu'il veut exactement, sinon vous allez arriver sur un... Bienvenue, mesdames et messieurs. Voici une émission spéciale à la mémoire de Serge Mona, décédé fin décembre 1996, d'une crise cardiaque, dit-on. Alors voici cet extrait des archives, mai 1995, et remarquez le contenu des enquêtes de M. Serge Mona, il n'y avait pas de quoi se faire des amis. Membre de l'Agence internationale de presse libre, M. Serge Mona. Bonjour. Bonjour, Serge. Et on a devant moi ici là, une panoplie de quelques-uns des documents que vous avez mis sur le marché depuis à peine 2 ans. À peine 2 ans, oui. Il y avait une trentaine. Une trentaine de documents d'enquête que j'ai sortis à un rythme d'environ un par mois, oui, à cause de l'urgence de la situation, et aussi en fonction d'avertir autant de gens que possible dans la population de ce qui s'en venait. Alors, qu'est-ce qui s'en vient? On va essayer de faire un tour d'horizon sur tous les niveaux, hein, parce qu'on parle de... Le nouvel ordre mondial? Bien, on parle du nouvel ordre mondial qu'on est amené, malgré nous autres, à devoir en parler pour la simple raison que les problèmes économiques actuels, ce qui se produit, des mises à pied massives, les coupures de budget, un budget d'austérité, tout d'un coup comme ça, les gens se demandent, mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que ça nous arrive? Qu'est-ce qui est caché qu'on nous dit pas? Mais en arrière de ça, c'est clair que il y a une organisation, cachée, parce qu'il n'y a pas seulement ici que ça se produit à l'heure actuelle dans tous les pays de l'Occident. Donc, si ça se produit dans autant de pays en même temps, c'est parce que ça fait partie d'une organisation qui nous est pas dévoilée. Qui est mondiale. Qui est mondiale. Et si on dit un nouvel ordre mondial? Et quand on parle de nouvel ordre mondial, on parle d'un nouvel ordre qui est construit sur l'ancien ordre, qui doit remplacer l'ancien ordre qui existait, c'est-à-dire celui dans lequel on se trouve encore aujourd'hui. Quand on dit on s'est acheté une nouvelle automobile, ben on s'est débarrassé de la vieille. Hein? Justement. Donc c'est exactement la même chose, mais au niveau de toute la réorganisation d'une société. Alors on va aborder tout ce qu'on peut imaginer. Alors vous comprenez, mesdames et messieurs, que c'est une émission très compromettante parce que en dehors de toute partisanerie politique, on va présenter tous ces dossiers-là, les uns derrière les autres. Ce que les gens sont peut-être pas au courant, en fin de compte, et qu'ils disent, on met des gens à pied pour les remplacer par de la technologie. Donc, à ce moment-là, on augmente la masse des gens au niveau de l'aide sociale à l'intérieur d'une période de 2 ans. On est garanti de se retrouver, non plus avec des milliers, des dizaines de milliers ou des centaines de milliers de personnes sur l'aide sociale, mais on va se retrouver avec des millions de personnes sur l'aide sociale, alors qu'en même temps, c'est là qu'on voit la contradiction, qui n'est pas apparente à l'actuel, parce que personne s'est assis pour faire les calculs, c'est là qu'on voit la contradiction. Comment se retrouver sur l'aide sociale avec des millions de personnes, qui sont donc dépendantes de l'État, en même temps que l'État dit, on est obligé de se découper parce qu'on ne peut plus supporter de payer autant de gens à rien faire. Ben, pourquoi est-ce qu'on le fait? On le fait uniquement, et ça c'est d'après la documentation que nous autres en tant que journalistes, ça nous est possible d'avoir, on le fait en fonction d'arriver à niveler les populations. Ah. On parle de la construction d'un nouvel ordre mondial se construisant sur un ordre ancien. Si on veut construire un nouvel ordre mondial, eh bien, un nouvel ordre mondial ne peut pas se construire s'il y a des personnes qui sont indépendantes à l'intérieur de la population et qui peuvent résister à l'instauration de cet ordre-là. Alors, à l'heure actuelle, on a commencé, sans que ça paraisse, le processus de niveler les populations au même niveau. Ça veut dire qu'on met au même niveau les populations, on fait disparaître la classe moyenne et on fait disparaître la classe de ceux qui possèdent un peu plus que la classe moyenne, comme ceux, par exemple, qui sont fonctionnaires à l'heure actuelle. D'accord? Oui. Donc, après un an, même s'ils reçoivent une prime de départ, qu'ils n'ont pas le droit à l'aide sociale, à un moment donné ou l'autre, ils vont arriver au bout de leurs ressources. De quelle façon est-ce qu'on va accentuer maintenant? Oui, je viens d'avoir une parenthèse. Allez-y. Et même les derniers restants humains dans le système de la mécanique du gouvernement vont tellement avoir peur de perdre leur job qu'ils vont prendre des décisions inhumaines dans des circonstances. S'il y a encore des fonctionnaires qui travaillent pour le gouvernement, ils auront, eux, la chance d'avoir une sécurité d'emploi, ou en tout cas, au minimum d'avoir un emploi. On va arriver à ça tout à l'heure. C'est encore là. Même ceux qui sont là vont devenir inhumains dans leur comportement, ouais, parce qu'on dit, au moins, je garde ma job en... Ils vont être prêts à faire n'importe quoi. C'est ça que ça veut dire. Je vais poser une question. Vous faites partie du groupe de financiers à l'échelle internationale qui voulait instaurer un nouvel ordre mondial qui comprend, par conséquent, OK, un gouvernement mondial, multinationales au niveau militaire sur le plan international, des forces multi-juridictionnelles au niveau des effectifs policiers sur le plan international, un tribunal international par conséquent pour gérer tout ça. Est-ce que vous allez vous permettre d'avoir un ensemble d'individus qui serait suffisamment indépendant pour contester l'instauration de votre ordre? Donc, à ce moment-là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, en d'autres mots, que toute personne qui posséderait des réserves d'argent ou qui aurait, en fin de compte, une terre agricole, une exploitation, pour être capable, elle, de s'autosuffire, est un danger par rapport à ces gens-là qui veulent avoir un contrôle absolu. Oui. On s'en va vers une crise économique, mais on s'en va vers une crise sociale. C'est encore pire. Ouais, c'est pas une crise économique. C'est en fait une crise qui est fabriquée de pure pièce, toujours en prenant le prétexte, coupure, oui, mesure d'austérité, on est obligé de faire ça. Mais en réalité, il oui, n'y en a pas de crise, OK? Je vais vous donner un exemple. Il y a 45 000 fonctionnaires qui sont mis à pied, comme ça, le jour au lendemain, sur une période échelonnée, sur 2 ou 3 ans. Bon. Bel Canada, 10 000 employés. Telle autre grosse compagnie ou grosse corporation, tant de milliers d'employés, on se dit faut rationaliser. Ce que les gens n'ont pas compris, c'est que rationalisation pour les grosses compagnies veut dire passage du bassin humain d'employés à l'électronique. C'est ça. Si on ne l'a pas dit aux gens. On a dit faut rationaliser, mais on n'a pas dit aux gens qu'on veut se débarrasser de tant d'employés au niveau d'une masse salariale pour remplacer ces employés-là par de la technologie, de la haute technologie au niveau de l'électronique qui va remplacer le travail que faisaient ces employés-là et qui, par conséquent, va doubler et même tripler les profits de ces entreprises-là. Ça, on n'a pas dit ça aux gens. Là, si on parle maintenant du gouvernement, au niveau de 45 000 employés de la fonction publique, on fait quoi? On rationalise les opérations gouvernementales. On remplace ces 45 000 employés de l'État par de la technologie électronique. Oui. Donc, la technologie, c'est quoi par définition? La technologie, c'est un esclave. Si on prend un ordinateur, c'est un esclave qui n'a pas de religion, qui n'a pas de nationalité, qui n'a pas de couleur, qui n'a pas d'émotion, et qui va exécuter ce qu'on va lui dicter. Oui. Donc, l'esclave parfait. Donc, le gouvernement a dit, on veut réduire la dette gouvernementale, donc on met 45 000 fonctionnaires à l'écart. Mais en réalité, ce qu'on fait, c'est qu'on modernise l'appareil d'État par une haute technologie électronique, et une technologie électronique qui va servir, elle, à contrôler la population, d'autant plus facile de contrôler cette population-là, qu'il n'y aura plus d'intermédiaires, d'individus avec des émotions humaines pour être capable, en fin de compte, d'interférer à l'intérieur des processus gouvernementaux. Ce qu'on appelait la bête autrefois. Ce qu'on appelait la bête, ou ce qu'on appelle sous un autre nom aussi, la société technotronique. La société technotronique, c'est quoi? C'est l'organisation dans le gouvernement mondial, dans le nouvel ordre mondial, l'organisation des sociétés en fonction de la technologie existante. Donc, les gens deviennent l'esclave, sont obligés de vivre selon la technologie qui existe, et non le contraire, comme on l'avait fait croire il y a 20 ou 30 ans, lorsqu'on mettait cette technologie-là au point. Oui, justement, c'est que finalement, c'est les humains qui vont devenir les esclaves de la machine. Exactement. Auparavant, la machine existait en fonction de pouvoir faciliter, en fin de compte, le travail de l'individu et l'ouvrir à une plus grande possibilité des loisirs. Oui. C'est pour ça qu'on avait développé la technologie dans les années 60 et c'est à partir de ça qu'on avait encouragé la mise sur pied de la société des loisirs. Mais à l'heure actuelle, c'est l'inverse qu'on fait. On établit une technologie qui remplace les masses de salariés, les masses, en fin de compte, d'employés des entreprises. En d'autres mots, la croissance d'une entreprise ne garantit plus une plus grande demande de main-d'œuvre. Sécurité d'emploi. Il ne signifie plus sécurité d'emploi. La croissance d'une entreprise signifie, en fin de compte, la croissance de toute la technologie électronique dans cette entreprise-là au dépens des individus qui deviennent à ce moment-là des chômeurs. Et ça va tellement loin qu'à l'heure actuelle, dans le processus qui est enclenché, la majeure partie des étudiants, cégep, université, école secondaire, avant même d'avoir complété leurs études, sont convaincus qu'ils pourront même pas avoir un emploi. Parce que déjà, leurs parents, qui eux, ont les connaissances et ont l'expérience, sont remplacés par l'électronique. Donc, eux autres, à la rigueur, ils se retrouvent devant un mur. Avant même d'avoir complété les études, ils arrivent devant un mur sans aucun débouché. Rentabilisation, c'est le grand mot. Oui. Rentabilisation. Ça va plus loin que de rentabiliser les entreprises. C'est de dépersonnaliser de toute fonction humaine le gouvernement et l'entreprise qui, à ce moment-là, devient beaucoup plus effective au niveau du déshumanisé, au niveau du contrôle des populations. Sous l'égide, toujours, je le répète, de l'Agence internationale de presse libre. Nous autres, on travaille sur des dossiers d'enquête qui, habituellement, ne sont jamais traités par les médias d'information officielle parce qu'ils ont les mains liées. On est indépendant. On peut donc sortir des dossiers auxquels personne n'oserait toucher à côté. D'accord? Donc, si les gens veulent savoir, vraiment, je les encourage à ce moment-là parce qu'on n'a pas fait ça pour rien. C'est pour eux autres qu'on l'a fait. S'ils veulent savoir qu'est-ce qui se passe au niveau économique au Québec, qu'est-ce qui se passe au niveau économique international, qu'est-ce qu'on lui cache, qu'est-ce qui est pensé par en dessous, le document et la cassette lui donnent absolument toute l'information. Ils vont être capables d'avoir ça, d'écouter n'importe quel bulletin de nouvelles à la radio et à la télévision, ils vont comprendre qu'est-ce qui se passe. Vous me posez la question, mais pourquoi, en fin de compte, vouloir en arriver à un contrôle international de tous les individus par l'instauration d'un nouvel ordre mondial? Ça va peut-être paraître invraisemblable à certains. On tombe à ce moment-là, même si on ne le veut pas, dans une question de dimension spirituelle, qui est le contrôle des âmes de chaque individu sur toute la planète. Le contrôle des âmes de chaque individu sur toute la planète. C'est là-dessus qu'on débouche au bout de la ligne. Vous me demandez, est-ce que les gens ont des solutions lorsqu'on voit qu'ils sont dirigés dans un entonnoir? On peut pas passer à côté que même ceux qui possèdent de l'argent à la banque, à l'actuelle, possèdent une propriété d'ici quelques années, vont la perdre parce que c'est voulu comme ça. À l'heure actuelle, vous en avez encore la possibilité. Trouvez-vous quelque chose le plus loin des villes, à la campagne, proche des forêts. Organisez-vous avec d'autres personnes. Développez des mécanismes que vous avez perdus depuis 30, 40 ans qui s'appellent la confiance, la tolérance, l'organisation communautaire, et partez pendant que c'est le temps. Je vous dis pas, croyez-moi dans tout ce que je vous dis. Non. Vérifiez ce que je vous dis, réunissez-vous en groupe, discutez-en, voyez si c'est vrai qu'on s'en va dans une situation comme ça, qu'on passe par côté, et si vous le réalisez, pendant le temps que vous pouvez le faire, qu'il vous reste encore un compte de banque, qu'il vous reste de l'argent, qu'il vous reste une propriété que vous pouvez échanger. Oui, mais savez-vous, Serge Mona, ce que vous venez de dire là, c'est exactement le discours des gourous, des sectes. Non, disent, mais moi je dis pas aux gens d'organiser une secte, c'est pas non. Ça que je l'ai dit. Organisez-vous pour vous assurer une survie. Et l'année qui vient. Presque toutes les sectes actuellement, incluant même les religions fondamentales comme le christianisme, on s'en va vers une apocalypse, on s'en va vers des temps de souffrance et de misère. Et là, vous nous dites, prenez épargné, prenez vos précautions, prenez avant que le bateau coule. Je ne dis pas aux gens pour... Je lui dis que s'ils veulent pas être dépendants des décisions de l'État, et de l'impossibilité pendant, de pouvoir se nourrir. Pendant combien de temps? Pendant une couple d'années? Parce qu'après une couple d'années, ils vont être obligés de passer par leurs outils. Non. Parce que l'installation du nouvel ordre mondial ne peut être possible que dans les îles pour commencer. Ouais. Parce qu'ils ont, ils ont réalisé que pour être capable de prendre le contrôle des villes, d'ailleurs, c'est facile de contrôler des gens dans une ville. Tous les gens sont dépendants. Ouais. Vous vivez dans une ville en autant que vous avez un revenu, en autant que vous avez de l'argent de place. À partir du moment où vous n'en avez plus, vous n'êtes plus capable de vivre dans une ville parce que la ville, vous êtes dépendant. D'accord? C'est sûr. Bon. Quand je dis aux gens, sortez des villes, ouais. Je lui dis parce que s'ils ont des enfants, ou des petits-enfants, ou quoi que ce soit, ils vont être capables, par la petite déclaration, ainsi de les nourrir. Ce que je rajoute, Serge, c'est que les gens, même en dehors, au bout de 2 ans ou 3 ans, le gouvernement mondial va être rendu à surveiller là, les endroits isolés. Il n'y aura pas le temps. Parce que, essayez d'imaginer le nombre d'effectifs policiers et militaires que ça va vous prendre, juste, non seulement pour instaurer ce nouvel ordre mondial-là, contrôler les différentes villes. Il va y avoir des tueries massives. Les 2/3 de l'humanité vont être éliminés. C'est la même façon de les éliminer. Ils peuvent pas éliminer. Ça sera fait légalement. Ils peuvent pas éliminer 2/3 de l'humanité comme ça sans risquer de s'éliminer eux-mêmes. Alors, les villes, on va et c'est quelque chose d'excessivement compliqué. De très compliqué. Ils peuvent pas faire n'importe quoi, ils le font. Ils vont être tellement incapables d'avoir instauré ce nouvel ordre-là et être capable, après, c'est pas tout de le mettre en place, c'est de le maintenir par la suite. Ouais, Napoléon s'est rendu jusqu'à Moscou. Il n'a pas pu maintenir la Russie après. Non. Il n'y avait pas l'électronique qu'on a aujourd'hui qui remplace des millions d'observateurs, de surveillants, etc. Et ça me rappelle ce que je disais il y a encore quelques semaines sur l'ésotérisme expérimental. On s'en va vers un 4e Reich, pas allemand, mais un 4e Reich économique. Mondial. Oui. Un 4e Reich économique au niveau mondial. Merci, Serge. Moi, je te remercie. J'espère qu'on va se revoir. Bon, on va sûrement se revoir parce que j'ai l'impression qu'on n'a plus le temps de dire grand-chose. On vous rappelle, mesdames et messieurs, que cette émission est une émission spéciale à la mémoire de M. Serge Monat, qui est décédé à la fin décembre 1996 d'une crise cardiaque, dit-on. Alors, cette émission était extraite des archives enregistrées en mai 1995. Alors, cette émission était extraite des archives enregistrées en mai 1995. Avec une déchirure dans le milieu du livre. C'est un livre percutant, très difficile à trouver, écrit par Serge Monat. Et Serge Monat est avec nous, il est journaliste international. La preuve, sa carte de journaliste de presse. Alors, c'est pas une petite carte, là, c'est une grande carte, parce que les journalistes internationaux qui vont, mettons, en Yougoslavie, peuvent pas aller sur un terrain avec une petite carte. Ils risquent de se faire tirer, alors qu'avec ça, pendu d'un coup, ça paraît, puis ça se voit de loin. Bonjour, Serge Monat. Bonjour, toi. Bienvenue sur l'émission d'ésotérisme expérimental. J'ai déjà reçu un journaliste international qui travaillait à l'époque pour Radio-Canada. Lui était dans les rues de Dallas le jour où John F. Kennedy s'est fait tirer. Il a entendu les coups de feu, puis il se souvient d'avoir entendu au minimum 3 coups de feu d'origine différente. C'est ce qu'il est allé dire en ondes à Radio-Canada. À l'époque, il doit y avoir coûté son emploi. Ça lui a coûté des années de prison, ça lui a coûté un paquet de problèmes. Il y a de ses amis de France Presse qui sont disparus de la circulation. Vous étiez dans l'hôtel lors de l'attentat contre Bobby Kennedy. Ben moi, en 68, je travaillais pour le Los Angeles Free Press, je demeurais à Los Angeles. Ouais. Et je travaillais pour Robert Kennedy dans sa campagne électorale. Donc, j'étais aussi à l'ambassadeur hôtel. J'étais là, par conséquent, aussi, en même temps qu'il y a eu l'assassinat de Martin Luther King, je me trouvais à Los Angeles. Donc, j'ai vécu tous les événements de cette époque-là. Bon. Vous, avez-vous fait de la prison? On vous a pourchassé? Est-ce qu'on vous fait du tort parce que vous savez des choses? À propos de ça, non, d'aucune manière. Des problèmes, j'ai plutôt commencé à les vivre à partir, je pourrais dire, du mois de mars 90 au Canada. Pourquoi? Le volume « Il est minuit moins 15 secondes » à Ottawa est un dossier d'enquête journalistique qui fait ressortir les ententes, les tractations, les jeux de coulisses non publiés entre Ottawa et Washington pour faire éclater d'une façon volontaire un état de crise politique majeure dans l'est du Canada, c'est-à-dire au Québec. Le livre est basé uniquement sur des documents officiels. Documents du département d'État à Washington, documents du ministère de la guerre, c'est-à-dire des forces armées américaines à Washington, documents du Conseil des hommes d'affaires du Canada, documents du gouvernement canadien et d'autres documents d'office et de groupes, en fin de compte, reconnus officiellement à travers le Canada. Ouais. Alors, vous avez donc sorti du sac le chat et la souris qui était cachée depuis belle lurette par la GRC et par les services. Les deux, en fin de compte, parce qu'on pourrait dire que le volume est un volume interdit. Pourquoi? Parce que cette information-là n'aurait jamais dû paraître, en fin de compte. Si j'en suis venu, malgré tout, malgré les risques, malgré toutes les conséquences possibles à publier cette information-là, excusez, c'est que j'ai été coincé dans une telle situation que si je ne publiais pas et je ne sortais pas le volume, à ce moment-là, j'étais victime de coups montés à l'intérieur desquels on discréditait ma réputation. Par conséquent, on discréditait mon message. D'accord. D'autant qu'auparavant, on m'avait ruiné financièrement parce que juste pour les années 1991-92, j'ai perdu au moins 35 000 $ liquides qu'on m'a fait perdre. Et ça, c'est au niveau des autorités canadiennes. On n'était pas intéressé à ce que cette information-là puisse atteindre le public parce qu'elle révèle sous-jacent trop de scandales. Alors, je reprends votre argument du livre, c'est qu'on prépare un état de crise sociale au Québec pour finalement en arriver à quoi? Bon, en arriver à quoi? Vous avez deux paliers décisionnels à ce niveau-là. Vous avez le Conseil des hommes d'affaires à Toronto qui représente, en fin de compte, si on se reporte au niveau historique, l'ancien au Canada. Ces personnes ne veulent pas en aucune manière perdre quelque pouvoir politique ou économique au profit du Québec. Ils sont prêts à n'importe quoi pour qu'il n'y ait pas un dédoublement, en fin de compte, au niveau des institutions financières et autres. Tandis qu'à Washington, c'est un autre motif. Il faut vous dire que tant le Conseil des hommes d'affaires à Toronto que le département d'État à Washington, ces groupes-là ont fait des études à propos du Québec. Et leurs études arrivent à la même conclusion. Personne ne peut plus arrêter le processus d'indépendance du Québec, le processus vers sa souveraineté. Ça va avoir lieu. Ils savent qu'ils ne peuvent pas l'empêcher. Alors ils se sont... Même si René Lévesque est éliminé de la circulation. Ça ne change absolument rien. L'évolution politique de toute la population au Québec et de l'évolution politique en général au Canada. Oh oui, mais il n'y a pas de leader au Québec. Il suffit, ça prend un leader, une âme, on dit que ça prend un cœur pour faire avancer ce peuple-là. Non, mais il faut quand même pas perdre de vue qu'au départ, il y a eu 30 ans de conscience politique depuis les années 60 au Québec. Oui. Ça se retrouve à tous les échelons de la société. Et ils savent que quel que soit le leader qui puisse être au pouvoir au Québec, la volonté intérieure de la population québécoise se dirige irrémédiablement vers cette option-là. Bon, moi, je vous dirais, Serge, qu'à ce niveau-là, j'ai l'impression que les Québécois, ils s'en foutent un peu, puisque, regardez, les libéraux qui sont au pouvoir actuellement, là, on sait bien qu'il y a des élections qui vont arriver au Québec, mais, bon, on joue sur la langue française, on se fie sur l'appui qu'on reçoit, en tout cas qu'eux reçoivent, des Nations Unies pour dire, la loi 178, l'affichage bilingue, il faut que ce soit bilingue au Québec. Non, mais ça, c'est de la politiquerie. Parce que si on se reporte à ce que je te disais tout pas, à l'heure... Ça. On réagit non. Si on se reporte à ce que je te disais tout à l'heure, OK? À ce moment-là, le Conseil des hommes d'affaires et les politiciens du Canada anglais, ayant réalisé la situation, ils en sont venus à la conclusion que n'étant pas capable d'empêcher ce processus-là, il fallait l'avorter. De quelle manière? En mettant les bois dans les roues de 10 années de négociations constitutionnelles. C'est pour cette raison que d'un côté, on disait à la population canadienne, on veut que le Québec reste à l'intérieur de la Constitution. On ne peut pas penser un Canada sans la dimension francophone du Québec à l'intérieur de celle-ci. Mais par contre, au niveau des faits, au niveau des négociations constitutionnelles, on a tout fait pour les refuser, en sachant très bien que les refus systématiques sur une période de 10 ans forceraient par conséquent, malgré eux autres, les Québécois à se rassembler au niveau de la question nationale et à déboucher par conséquent sur une option indépendantiste. Si on regarde d'un autre côté, au niveau du département d'État à Washington, ça fait 200 ans, au niveau du manifeste de la destinée continentale de la politique américaine, ça fait 200 ans qu'ils cherchent l'éclatement du Canada parce qu'ils ont besoin de ses ressources naturelles. Donc, officiellement, ils sont pour l'unité canadienne au niveau international, mais officieusement, ils sont pour l'indépendance du Québec parce que l'indépendance du Québec possible les apporte sur un plateau d'argent l'éclatement du Canada. Ah oui. Donc, alors, qu'est-ce que les Américains pourraient profiter de l'éclatement du Canada? Ça serait quand même... Une des premières choses dont ils profiteraient, parce qu'ils ont quand même fait par des groupes d'études au département d'État les listes de 33 richesses de base dont ils ont besoin pour traverser économiquement le cap de l'an 2000. Et s'ils veulent demeurer concurrents par rapport à la communauté européenne, ils ont besoin d'avoir un accès direct, comme si ça leur appartenait, en fin de compte, à ces richesses naturelles-là. L'une des premières choses qui se produirait, par exemple, au lendemain de l'indépendance. Premièrement, il y a chute de la bourse, il y a crise économique et crise des politiques majeures à travers tout le Canada. En 1991, les premiers ministres des provinces maritimes, sans que ça ait été trop ébruité, ont fait un voyage pratiquement secret aux États-Unis, rencontrer les gouverneurs de différents États. Il y a eu des rencontres, des négociations à ce moment-là, qui faisaient ressortir qu'advenant l'indépendance du Québec, les premières provinces qui demanderaient leurs adhésions, en fin de compte, aux États-Unis seraient les provinces maritimes parce qu'ils seraient complètement coupés du reste du Canada et l'Ontario ne supporterait pas à elle seule le poids économique et politique des provinces maritimes. Séparés par un Québec. Séparés, justement, séparés du reste du pays. Donc, les Américains veulent les provinces maritimes pour 3 points précis au départ. Le premier, ça lui donne immédiatement le contrôle de toutes les pêcheries pour l'Est, le Nord-Est de l'Amérique du Nord. Et l'entrée vers le Québec ou vers le reste du Canada, l'Ontario. Justement, et en même temps, ça lui donne un point de concurrence solide au niveau du contrôle des pêcheries par rapport à la communauté européenne. Deuxièmement, ça lui donne immédiatement le contrôle de toutes les recherches pétrolifères au large de Terre-Neuve, ce qui explique, entre parenthèses, pourquoi le projet Hibernia ne débloque jamais au Canada. Troisièmement, ça lui permet l'installation immédiate de bases militaires américaines, stratégiques, à Halifax et à Terre-Neuve, qui sont les plaques tournantes de tout le trafic aérien de l'Est de l'Amérique du Nord, en fait. Faut pas oublier que les Américains ont construit 2 bases militaires stratégiques. Une à Fort Drum, qui se trouve être dans le nord de Little New York, juste au sud de Kingston, en Ontario, quand on sait que Kingston est la base du commandement de toutes les communications militaires pour l'armée canadienne. Et il y a une autre base qui est située à Deepwood. Celle-là se trouve sur la frontière du Maine et du Nouveau-Brunswick. Et cette base-là, c'est là qu'on fait l'entraînement de la police militaire spéciale américaine. La police militaire spéciale américaine, c'est elle qui est chargée des opérations de torture et de nettoyage politique en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Et la base se trouve sur la frontière du Nouveau-Brunswick. Beau tableau. Même bizarre. Beau tableau, parce que ça nous donne l'impression que juste à côté du Canada, on a un bulldog qui attend pour nous mordre, ou alors un aigle qui veut nous agripper dans ses griffes. Oui, hein, et il faut vous dire aussi que ces gens-là, lorsqu'on parle de haute politique, ouais, ou de haute économie internationale, ces gens-là ne pensent pas comme nous autres. Ils n'ont pas un système émotionnel qui fonctionne de la même façon que vous et moi. C'est une partie d'échec, c'est excessivement froid, il n'y a aucun sens de relation humaine, il n'y a rien de semblable à l'intérieur de ça, c'est mathématique et c'est froid. Si vous prenez l'exemple du jeu d'échecs, c'est qu'un bon joueur d'échecs qui prévoit 1, 2, 3, 5 coups à l'avance, 5 ans d'avance, 10 ans d'avance, hein, c'est ça. L'attitude du Parti libéral actuellement, c'est de dégager un peu le monde de l'éducation, des fonctionnaires. L'attitude du Parti libéral, à partir du moment qu'ils ont baissé pavillon, qu'ils ont abdiqué aux accords de Charlottetown en 92. Ouais. Leurs attitudes maintenant, et c'est là qu'on peut arriver à comprendre ce qui paraît incompréhensible en apparence, comment ça se fait qu'un parti politique comme le Parti libéral, 1 an à peu près avant des élections provinciales, 2 ans avant la tenue officielle d'un référendum au Québec qui est supposé se trouver vers le mois de juin 95, comment ça se fait est-ce que ce parti-là se saborde? Ils ont parlé du 24 juin 1995. Amusons-nous, le 24, 2 plus 4, ça fait 6. Juin, c'est le 6e mois de l'année. 1995, vous faites le total, qui fait 24 encore, ça fait 6. C'est donc le 6, le 24 juin 95. Oui, il n'y a jamais de hasard. C'est le hasard. Alors donc, on emploie le mot hasard pour les choses qu'on comprend pas. Oui, ça. Mais alors, vous voulez dire que le Parti libéral est en train de se saborder pour donner la chance au PQ de prendre le pouvoir? Oui, mais écoutez, ça va très loin. Comment expliqueriez-vous, au niveau d'une pure logique, un parti qui est aussi proche que ça d'élections provinciales cherche une confrontation directe avec le monde étudiant, cherche une confrontation directe avec le monde ouvrier par le biais des fonctionnaires et d'autres secteurs, en fin de compte, du monde ouvrier, et cherche une confrontation directe avec tous les groupements nationalistes en ouvrant le dossier de la langue. C'est totalement impensable, c'est totalement incompréhensible. Mais ça devient compréhensible lorsqu'on le regarde au niveau d'une vue d'ensemble, comme c'est situé à l'intérieur de ce volume. Est-ce que vous avez l'impression que donc ce jeu d'échecs, on l'a perdu? C'est-à-dire que les Américains vont réussir à aboutir à leur fin, c'est-à-dire l'éclatement du Canada. Ils mettront la main sur les provinces maritimes. Après ça, j'imagine qu'ils vont intervenir au Québec en disant qu'ils protègent leurs intérêts. Ça ne les intéresse pas d'intervenir au Québec d'aucune manière. Ah non? Du tout, du tout, du tout, du tout. Le Québec, ils veulent le laisser là pour tout de suite. L'Ontario, ils ont énormément d'échanges économiques. D'ailleurs, il y a énormément de transferts de fonds de la part des hommes d'affaires à Toronto vers les États-Unis, c'est pas un problème majeur. Ce qui les intéresse, par contre, c'est à partir du Manitoba. Manitoba, Saskatchewan, Alberta. Le pétrole. Quand on veut, le pétrole, les prairies au niveau des céréales, donc un moyen contrôle céréalier avec le centre des États-Unis sur le monde, en fin de compte, les forêts de la Colombie-Britannique et les réserves d'eau inépuisables, en fin de compte, du nord de la Colombie-Britannique et du Yukon, dont la Californie a besoin, c'est avec comment continuer à se développer. Ouais, c'est très gros. C'est très gros, c'est compromettant tout ça. Puis ça, on trouve ça dans ce livre intitulé « Il est minuit moins 15 secondes à Ottawa ». Moi, j'ai presque l'impression qu'il est maintenant minuit et 15 secondes. Vous savez, il y a quelqu'un qui m'a appelé de CGMS hier, avec lesquels je communiquais, puis il me disait justement, il dit « Je pense qu'il est rendu à peu près minuit. Minuit et 5 secondes », j'ai dit « Je pense que c'est le cas à l'heure actuelle ». C'est ça. Votre livre est déjà en retard. Mais et vous savez, il vient d'être publié. Il est pas tellement tard parce que le processus politique qui est décrit à l'intérieur du volume, on est à l'intérieur de ce processus-là à l'heure actuelle. Et puis, en plus, la majeure partie des gens n'en sont même pas conscients. C'est-à-dire, ils savent pas ce qui se passe, ils arrivent pas à comprendre ce qui se passe pour la simple raison que l'information ne leur est pas donnée. Et si l'information ne leur est pas donnée, c'est qu'il faut comprendre, moi je peux en parler en tant que journaliste, c'est que 95% de l'information n'est actuellement jamais publiée ou rendue accessible à la population. Pourquoi on ne tient pas à ce que les gens soient à ce point perturbés qu'ils ne peuvent plus continuer à consommer de la même façon, donc perturber l'économie? On va donner l'impression aux gens par la désinformation, on va leur donner l'impression qu'ils sont informés, mais en leur donnant jamais l'information de base. C'est ça. Ça s'appelle la désinformation, et c'est ce qu'on vit quotidiennement à travers les médias, les différents médias d'information. Mais vous n'avez pas cherché à faire une campagne de publicité pour votre livre? Là, vous passez ici pour la première fois à la télévision. Ici, j'ai cherché à faire une campagne de publicité, mais comme il m'a été rapporté à différents endroits, autant de la part de radio communautaire que de personnes travaillant dans des médias d'information officielle, ça a l'air, d'après ce qu'on m'a rapporté, qu'il n'y a aucun média d'information officielle pour l'instant qui veut être identifié comme ayant été le premier à parler officiellement d'un volume semblable. Je vais vous donner un exemple. Mais là, c'est fait. Avec l'ésotérisme expérimental, on vient de casser la glace. Mais tu vois, Richard, je peux te donner un exemple là-dessus. Ouais. Prenons juste l'affaire Wilhelmy pendant le référendum. Ouais. Le fameux scandale Wilhelmy des cassettes, à fin de compte. Ouais, ouais. Le vendredi 16, j'étais avec Claude Beauchamp à Sainte-Foy. On dînait ensemble dans une rencontre privée. Et Claude me faisait part à ce moment-là que ça lui avait coûté $1 million d'avoir sorti une chose comme ça. J'ai dit, $1 million, comment? Il dit, tout ce qu'on avait comme contrat du fédéral au niveau de la publicité nous a été coupée. Parce qu'ils ont osé en parler. Justement, l'arme économique. Et quand l'arme économique de la part du pouvoir n'est pas suffisamment efficace, on va tenter de faire un coup monté contre la personne pour la discréditer aux yeux de la population. Si au-delà de ça, le discrédit n'est pas suffisant, et cette personne-là a une famille, on va tenter de faire des pressions sur sa famille, mais si, rendu là, ce n'est même pas suffisant, c'est là que la vie de la personne peut s'être en danger. On appelle ça la pratique de la démocratie. appelez ça la démocratie. Avant qu'on se laisse, est-ce que je peux vous demander une opinion sur ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial? J'en ai parlé souvent dans les conférences, le New World Order. Ça a commencé avec George Bush, là, avec la guerre du Moyen-Orient. Mm-hmm. C'est appliqué, là, ça marche-tu, ça, actuellement? C'est quelque chose qui est en train de se mettre en place sans que ça paraisse trop. Alors, le livre de M. Serge Monin est maintenant disponible. Il est 12:15. AIPL, Agence internationale de presse libre, conférence du 8 juillet 1994, portant sur la NASA, le projet Blue Beam, le projet le plus secret, le plus confidentiel, mis au point à partir des années 80, en vue de l'imposition de la nouvelle religion mondiale et de l'élimination des trois religions monothéistes. Comment fut mis au point, avec l'aide de l'ordinateur, de l'holographie, des satellites et des vols secrets de la navette Columbia, les préparatifs du super spectacle cosmique qui pourra être vu, et ça c'est bien important à remarquer, qui pourra être vu en même temps par tous les hommes aux quatre coins de la planète. Spectacle son et lumière, à partir de la voûte céleste qui fera croire à tous au retour du Christ et à l'enlèvement des élus. Comment, par l'utilisation d'ondes ultra-courtes, de micro-ondes, cette nuit-là, il sera possible de pénétrer par télépathie électronique à l'intérieur de tous les hommes, au-delà de leur volonté, au-delà de leur consentement, pour leur présenter leur nouveau Messie, le Messie du nouvel ordre mondial. Dans les années 80, il y a un pasteur aux États-Unis, dans la région de Los Angeles, le pasteur Greenwald, qui avait eu vent de ces informations-là, par des brides, et qui avait quand même sorti quelque chose, sorti des informations à l'époque, informations qui se sont complétées au fur et à mesure que les années se sont écoulées, par rapport à ce projet-là relié à la NASA. Il y est dit que des millions de personnes, et ça, c'est pas des blagues, c'est pas des prophéties, là. Ce sont des moyens, des nouvelles mises au point de la haute technologie spatiale en fonction de l'imposition d'un nouvel ordre mondial. Des millions de personnes seront séduites et déçues par des spectacles lumineux. Spectaculaire, vraiment spectaculaire, là, sensationnel, qui, comme on dirait en langage populaire, qui vous donne la chair de poule, là, qui rejoint intérieurement votre être dans tous ses fibres et font mouvoir votre être, votre condition humaine, là, malgré vous. Donc, par des spectacles lumineux, couleurs, et mettez-en des couleurs vraiment séduisantes, utilisant des images holographiques, des rayons partant de satellites par l'entremise de rayons laser. Les dirigeants du nouvel ordre mondial, par le biais de l'utilisation de la haute technologie spatiale, pourront aussi, en même temps, établir des transmissions cosmiques provenant de sources maîtresses situées dans l'espace. Chaque fois que vous entendez parler, ou vous avez entendu parler depuis des années, qu'il y avait un vol de la navette spatiale, que c'était un vol en fonction d'objectifs secrets au niveau militaire ou autre, dites-vous, en fin de compte, que la majeure partie de ces vols-là, l'installation de satellites, ou la manipulation de satellites déjà en place dans l'espace, la mise sur pied d'une base spatiale, d'une mini-base spatiale, en fin de compte, circulant autour de la Terre, est en fonction justement de l'installation des mécanismes qui vont permettre la diffusion d'un tel spectacle à un moment donné. Donc, de transmission cosmique provenant de sources maîtresses situées dans l'espace. Si on avait parlé de choses semblables il y a une trentaine d'années, les gens auraient carrément ri de nous autres en disant que c'était de la haute science-fiction. Et à l'époque, ils auraient sûrement eu raison de parler ainsi. Mais avec les développements fulgurants des ordinateurs, de toutes les différentes applications auxquelles on peut arriver par l'utilisation de l'ordinateur, des nouvelles techniques au niveau des ultra-ondes, des rayons laser et de la technologie spatiale, c'est plus de la science-fiction. Donc, ces personnes, c'est ce petit groupe de personnes, le plus puissant sur la planète au niveau financier, qui veut installer le nouvel ordre mondial, présenteront des spectacles tels que même les plus grandes intelligences en seront dépassées. C'est-à-dire au-delà de ce que vous êtes capable d'imaginer ou même de concevoir. Ces spectacles auront un impact tel qu'ils répondront en même temps à ce que des milliers de personnes croient déjà au niveau des communications provenant de l'espace. Les New Agers, les gens du Nouvel Âge, du Nouvel Ordre mondial, un Nouvel Ordre mondial devant s'imposer sur l'ancien ordre, celle dans laquelle on vit à l'heure actuelle, nous prépare un tel spectacle, et selon un des porte-paroles de ce mouvement-là, David Spandler, S-P-A-N-G-L-E-R, ils ont déjà installé des projecteurs à rayons laser un peu partout, sur des cathédrales à travers les États-Unis, y compris sur une cathédrale éminente à New York, et qui se trouve être le bureau central de ce genre d'activité. Pourquoi, à partir de cathédrales et ainsi de suite, à partir de temples religieux, tout simplement pour établir une confusion et faire croire aux gens que ce qu'ils vont voir et ce qu'ils vont entendre est de source divine. Et d'ailleurs, ce même David Spindler, qui prêta serment dans cette cathédrale, c'est ce même bonhomme qui déclara qu'il faudra à chacun l'initiation luciférienne pour entrer dans le Nouvel Âge. Ça veut dire quoi? Il va falloir une initiation diabolique en rapport avec Lucifer pour entrer, pour faire partie du Nouvel Ordre mondial. Qu'est-ce que l'hologramme? Qu'est-ce que l'holographie? L'hologramme provient du grec holos qui signifie entier et du grec gramme qui lui se réfère à message, écriture, graphisme. Ainsi, holographique signifie un dessin vu dans son entier, dans toutes ses dimensions. Un message complet, un dessin complet, une image tridimensionnelle. Holographie, quant à lui, se réfère à une technique de fabrication d'images à trois dimensions ou tridimensionnelles, technique utilisant la lumière du laser où un patron, un modèle est enregistré et est projeté de manière que l'image à trois dimensions produite par ce procédé paraissent tellement réelles que chacun sera porté à croire qu'il pourra l'atteindre ou y toucher. Essayez d'imaginer l'ampleur d'un tel spectacle, par exemple, projeté à 3 heures du matin. Est-ce que vous saviez que à Disneyland, par exemple, dans la maison hantée, on a utilisé ce procédé d'image holographique. Même que les gens, lorsque des gens quittaient cette maison, ils pouvaient découvrir une créature tridimensionnelle assise sur le siège arrière de leur voiture et s'imaginer qu'elle était réellement là. D'ailleurs, une avocate américaine dans l'État du Michigan avec laquelle j'ai été en contact à un moment donné dans les années 80, Constance Combe, à la page 78 de son livre « The Hidden Danger of the Rainbow », « Les dangers cachés de l'arc-en-ciel », publié en 1983, disait à propos des images holographiques et du rayon laser, « Le mouvement du Nouvel Âge a consacré beaucoup de recherche et d'attention à l'utilisation d'images holographiques, images tridimensionnelles créées à l'aide de rayons laser. » Selon David Spengler, bonhomme dont on parlait tout à l'heure, lors d'une réunion tenue à Southfield, au Michigan, le 1er février 1982, des projecteurs de rayons laser ont été installés en vue de leur utilisation sur le toit de la cathédrale Saint-Jean de Devine épiscopale dans la ville de New York. Des experts en éclairage disent que ces rayons peuvent être utilisés pour être projetés contre un satellite, puis revenir à travers la couche de la ionosphère. Les rayons de lumière seront courbés de telle manière qu'ils porteront les gens à croire que les flammes s'en viennent vers la Terre, de même que ces rayons projetteront une image holographique à trois dimensions qui pourrait être vue n'importe quand par un tiers de la surface de la Terre. La technologie du son est disponible pour permettre à l'image de parler dans la langue où le rayon sera vu. Vous rappelez-vous, lors quelques années au plus, un an ou deux, le vidéoclip que Michael Jackson avait fait et qui fut repris par certains messages publicitaires par la suite, où il était possible de voir un visage, le visage de quelqu'un qui se transformait dans le visage d'une autre personne, féminin ou masculin, de couleur et d'ethnie différentes. Pendant tout le long du vidéoclip, on voyait un visage qui se transformait en un autre visage, puis se transformait en un autre visage, puis se transformait comme ça à l'infini. Cette technique par ordinateur est la technique qui, justement, sera utilisée dans l'espace. Par cette technique-là, on présentera les différents dieux des différentes religions depuis le début de l'humanité. Et chaque dieu parlera dans la langue et dans les dialectes qui rejoindront ceux qui en font partie sur la planète. Pour leur dire, en fin de compte, que la majeure partie des religions ont été mal interprétées par ceux qui en avaient reçu révélation. Et on fera ça pour chaque groupe de religions précises. Et comme je vous disais, par l'utilisation de techniques par ordinateur qui ont déjà enregistré tous les dialectes et toutes les langues, ces dieux, ces divinités du passé, se transformeront d'une à l'autre. Prenez les dieux hindous, qui se transforment, par exemple, en un dieu d'une autre religion, qui se présente dans le visage de Mahomet, le visage du Christ, et tous disent essentiellement la même chose. Ils disent que ceux qui ont reçu les révélations à l'époque où eux étaient sur la terre ont mal interprété leurs enseignements et que leurs enseignements signifiaient la mise sur pied d'une religion mondiale à laquelle tous les hommes pourraient appartenir et où tous les hommes seraient égaux et non à des religions différentes les unes opposés par rapport aux autres. Essayez d'imaginer l'impact dans la voûte céleste d'images tridimensionnelles avec des rayons de couleurs différentes, d'un visage divin se transformant, avec une musique, genre musique céleste, qui provient de l'espace, d'un système de son installé sur satellite. Donc, l'image et le son vous provient de la voûte céleste. Imaginez les populations à 3 heures du matin dans différents pays à travers la planète qui entendent des choses comme ça. Vous pouvez être sûr que dans les heures suivant une manifestation semblable, à un déferlement sans précédent de la part des populations pour la destruction de la majeure partie de tous les temples religieux qui existent. Et en même temps, l'acceptation par ces populations-là du nouveau message, de la nouvelle interprétation. Maintenant, toujours par l'utilisation, l'usage de la technologie, parce que le nouveau Messie, le Dieu du Nouvel Âge, l'Antéchrist, qu'on lui donne le nom qu'on voudra en fin de compte, va être capable de rejoindre les hommes et de les séduire uniquement par l'utilisation de la technologie, sans l'avènement de la technologie actuelle, surtout de la technologie des ordinateurs, des micro-ondes, des satellites. Ça aurait été totalement impossible d'en arriver à imposer une nouvelle ère, un nouvel ordre mondial à l'ensemble de l'humanité. Donc, essayez d'imaginer la communication télépathique par l'électronique. Ça veut dire quoi au juste? Et ça va faire partie de ce spectacle-là. Ça veut dire, en fin de compte, à l'heure actuelle, dans les laboratoires un peu partout sur la planète, surtout au niveau militaire, on a réussi à mettre au point une technologie de micro-ondes fonctionnant à la même fréquence que les ondes du cerveau fonctionnent. De telle sorte qu'il est possible, avec cette technologie-là, à distance de quelqu'un, d'envoyer à distance, sans que la personne s'en rende compte, des messages qui vont pénétrer à l'intérieur de la personne. Et là, je parle de technologie, là. Je parle pas de culte ou de choses comme ça, là. Okay? Je parle pas de religion. Je parle uniquement de technologie qui existe. Et qui va pénétrer à l'intérieur des gens de manière à lui donner l'impression qu'il y a des voix divines qui leur parlent. Pouvez-vous vous imaginer l'impact à l'intérieur de personnes terre à terre, de monsieur et de madame, tout le monde dans différents pays sur la planète, qui sont réveillés à 2-3 heures du matin, qui voient un spectacle comme ça, et qui entendent, à partir de ce spectacle-là de l'espace, qui entendent dans leur langue et dans leur dialecte des recommandations provenant de la représentation de leur Dieu vu à partir de la voûte céleste. Et qui rentrent à l'intérieur d'eux autres en leur donnant vraiment l'impression que c'est des paroles qui sont prononcées par leur Dieu. Pouvez-vous vous imaginer l'impact? L'impact va être invraisemblable. Il n'y a absolument personne qui pourra avoir de contrôle. Il n'y a aucune forme de raisonnement humain qui va pouvoir, en fin de compte, rejeter ou faire comprendre, ou faire entendre raison à tous ces gens qui vont être convaincus d'avoir été rejoints intérieurement et de porter intérieurement un message divin. Donc, vous pouvez facilement vous imaginer que du jour au lendemain, non seulement vous vous retrouvez avec un chaos à l'échelle universelle, mais en même temps, vous vous retrouvez avec une guerre de religion sans précédent. Le rejet et la destruction des différentes religions qui existent telles qu'on les connaît à l'heure actuelle. D'ailleurs, cette nouvelle technologie-là a été utilisée dans le channeling. Donc, en rapport avec ce que je viens de vous dire, et pour vous donner des preuves du concret de cette réalité-là, que ce n'est pas des paroles lancées dans les airs, que ce n'est pas des choses impossibles, que c'est des choses qui existent bel et bien, je vais vous faire part ici de la LoRa Electro-Optical System de Pasadena, en Californie. La LoRa, OK? Un important contractant de la défense américaine a déjà conduit des recherches sur des armes à énergie dirigée pour le compte du lieutenant-général Leonard Perrott de l'US Air Force, qui cherchait une arme pour implanter des messages dans le cerveau de l'ennemi et pour provoquer des réactions de courage surhumain chez ses propres troupes. L'appareil emploie des radiations électromagnétiques de fréquence gigahertzienne dans des tonalités ultra-basses qu'on appelle les ELF. Elle est utilisée pour torturer les gens physiquement et mentalement à distance. Les procédés employés par de telles technologies ELF sont décrits dans plusieurs publications du département de la Défense, incluant le spectre électromagnétique dans les conflits à basse intensité par le caporal Paul E. Tyler, commandant médical de la Navy, qui est inclus dans une collection intitulée « Les conflits à basse intensité et la technologie moderne », édité par le lieutenant-colonel David G. Dean de l'US Air Force. Le papier fut livré en 1984 et la collection publiée en 1986 par l'Air University Press de la base aérienne Maxwell en Alabama. Donc, ceux qui veulent vérifier les références pour savoir si oui ou non cette technologie a déjà été expérimentée, si elle existe, pourront très bien le faire avec ces références-là. Un autre appareil à pulsation de micro-ondes peut transmettre des signaux audibles directement à un individu tout en restant inaudible à qui que ce soit d'autre autour de lui. La technologie est très simple et elle peut être construite avec un banal fusil radar policier, les radars que les policiers servent le long des routes. Le faisceau de micro-ondes généré par l'appareil peut être modulé et à des fréquences audio, donc on peut le trafiquer, et transmettre des voix directement dans le cerveau. Là, c'est pas quelque chose que la personne entend en provenant d'une bouche humaine, c'est pas ça. C'est que la personne entend ces voix-là directement dans son cerveau comme provenant d'une source surnaturelle. Dans son livre « The Body Electric », Robert Becker, candidat au prix Nobel, donc c'est pas écrit par des imbéciles, décrit une série d'expériences conduites au début des années 60 par Alan Frey, où ce phénomène fut démontré pour la première fois, aussi bien que des expériences ultérieures conduites en 1973 à l'Institut de recherche militaire Walter Reed par le docteur Joseph C. Sharp, qui suivit lui-même des tests dans lesquels il prouva qu'il pouvait entendre et comprendre des paroles transmises dans une chambre d'isolation sans écho via un audiogramme pulsé en micro-ondes dirigé vers son cerveau. Puis Becker déclare que de tels appareils peuvent évidemment être utilisés dans des opérations secrètes visant à rendre une cible folle avec des voix ou faire parvenir des informations indécelables à un assassin programmé. Un livre de 1978 intitulé « Effets et applications auditives des micro-ondes » par James C. Lynn, PhD, expliquait comment des voix audibles pourraient être transmises directement au cerveau. Cette technologie pourrait être utilisée pour rendre l'ouïe aux sourds, mais au lieu de cela, elle est retournée contre les populations. Alan Frey rapportait aussi qu'il pouvait ralentir, accélérer ou arrêter les battements cardiaques d'une grenouille isolée en les synchronisant avec un faisceau de micro-ondes. D'après Robert Becker, des résultats similaires ont été obtenus avec des grenouilles vivantes, ce qui démontre qu'il est techniquement possible de provoquer des crises cardiaques avec un faisceau destiné à traverser la poitrine humaine, donc à distance. Je crois, personnellement, en fin de compte, et on a des preuves là-dessus, que cette technologie est maintenant en état de fonctionner dans l'espace par le biais des satellites. Quand vous savez que par le biais des satellites, on peut repérer, on peut même, si on veut, avec la nouvelle technologie utilisée, lire l'heure sur la montre de quelqu'un n'importe où sur la planète en partant de l'espace, et on peut, avec un rayon laser, être capable d'atteindre un 25 sous n'importe où sur la planète. On peut donc s'imaginer facilement l'utilisation d'une telle technologie pour séduire et agenouiller de force l'ensemble de l'humanité. Il a été démontré que des rayons d'énergie électromagnétique concentrés à ultra-haute fréquence, UHF, peuvent être utilisés pour provoquer une agitation et une activité considérable ou pour provoquer une faiblesse et une léthargie musculaire. Donc, c'est très grave. Très, très grave. Tout ça pour vous dire que non seulement cette technologie existe au niveau spatial, qu'elle est en voie non seulement d'expérimentation, mais d'application réelle dans l'espace, et qu'on est à la veille, en profitant de certaines situations de bouleversement sur la Terre, on est à la veille de l'utiliser sur les populations. D'ailleurs, à cet effet, il est connu dans les milieux spécialisés que des combinaisons de radiation électromagnétique et d'hypnose ont aussi été le sujet de recherches intensives en 1900, dans les années 70. En 1974, le chercheur J.F. Chapitz dit de l'un de ses projets de recherche dans cette enquête, il sera démontré que la parole de l'hypnotiseur peut aussi être transmise par de l'énergie électromagnétique modulée directement dans les parties subconscientes du cerveau humain. En d'autres mots, ce que ça veut dire qu'un hypnotiseur qui est installé quelque part dans un studio, par le biais des satellites de transmission à distance, peut rejoindre un individu ciblé ou un groupe d'individus ou une partie de population ciblée sur la planète et pénétrer directement dans les parties subconscientes du cerveau humain de cette population-là, c'est-à-dire sans l'emploi d'appareils techniques pour recevoir ou décoder les messages, et sans que le sujet, c'est-à-dire la personne qui est visée par ça, ou le groupe de population qui est visé par cette technologie, n'ait le loisir de contrôler consciemment l'entrée de l'information, c'est-à-dire 40, sans que la personne le veuille. On peut s'attendre à ce qu'une telle technologie rationalise les comportements, change le comportement des personnes ou de groupes de population, tout en faisant considérer à ces personnes-là ou à ces populations-là que ces changements-là viennent d'eux-mêmes. N'importe qui enquêtant sur le soi-disant phénomène de channeling peut découvrir, en fin de compte, que l'époque à laquelle on a commencé à parler de channeling, à cette époque-là, où à un endroit on avait un channeler, à un autre endroit il y en avait un autre endroit les channelers, ceux qui reçoivent supposément des messages, ceux qui en reçoivent d'entités, ainsi de suite, c'est tout arrivé à peu près à la même époque. C'est pas arrivé tellement un indépendant de l'autre. Et si vous faites une étude du contenu des messages de ces supposées entités-là un peu partout, vous allez vous rendre compte qu'ils ont tous la même essence, qu'ils ont tous la même base, c'est-à-dire faire croire aux individus que les individus ont des pouvoirs personnels, qu'ils sont des dieux, qu'ils sont des personnes choisies, qu'ils sont des personnes élues. On retrouve ces considérations-là, cette forme de pensée-là, on la retrouve autant dans les milieux religieux qu'on la retrouve dans les milieux ésotériques. C'est exactement la même base de pensée où l'individu se croit investi d'une mission spéciale, se croit choisi pour quelque chose, mais modulé différemment, avec un langage différent, tout dépendant du milieu où cette information-là a été diffusée. Dans les groupes religieux, dans des groupes de prière, en fin de compte, elle a un contenu spirituel. Dans les groupes ésotériques, elle a un langage ésotérique spécial, se référant à des codes connus de la plupart des gens qui en font partie. Il est étrange à quel point les messages, et regardez bien, la plupart des messages des différents channelers et la plupart des messages de ceux qui se disent investis ou avoir reçu des messages dans les mouvements religieux sont tous similaires, c'est-à-dire qu'ils se ressemblent tous. Que vous vous plaissiez dans un mouvement religieux ou que vous vous plaissiez, en fin de compte, dans un mouvement ésotérique, vous êtes obligé de voir qu'à la base, tous les messages ont le même contenu, ont le même but, c'est-à-dire faire croire à l'individu qu'il est investi de quelque chose de spécial et que rien ne peut l'atteindre, qu'il se trouve à être au-dessus de tout. Le Sydney Morning Herald publia un article le 21 mars 1983, ajoutant du poids à ce que je viens de dire. L'article expliquait qu'un document intitulé « Les soviets envahissent la pensée humaine » avait été présenté au journal par le docteur Nassim Abd el-Azid Newegley, assistant professeur à la faculté d'agriculture de Mosh Tahor Tuk. Kalubia, en Égypte. Il est intéressant de citer cet article dans le contexte dans lequel on se trouve à l'actuel. Et cet article dit, écoutez bien, prenez le contenu de l'article par rapport à ce que je viens de vous dire sur la nouvelle technologie en fonction d'installer une nouvelle ordre mondiale et placez-le en correspondance avec ce qui vient de se passer ou ce qui se passe à l'actuel au Rwanda où personne semble comprendre la raison d'être, la source, en fin de compte, d'un éclatement de tant de violence du jour au lendemain. Les soviets, ça c'est l'article, les soviets ont manufacturé ou même importé des ordinateurs avancés et les ont remplis avec des données psychiques précises basées sur leurs études de l'anatomie et de la biologie du corps humain et sur leurs études de l'anatomie, de la chimie et de l'électricité du cerveau humain. Ces ordinateurs ont été remplis par la suite avec les différents langages et leurs significations, les différentes langues. Les dialectes des peuples ont été entrés à partir de satellites, c'est-à-dire qu'il y a des satellites qui circulent autour de la Terre, ont enregistré les différents dialectes qu'on parle dans différents pays et les ont intégrés, ont envoyé, en fin de compte, les informations à des ordinateurs situés quelque part sur la planète. Ensuite, ces ordinateurs-là ont été remplis de programmes précis. Il semble que les soviets aient eu recours à la méthode suicidaire dans la société humaine en allouant un rayon électronique pour plusieurs personnes dans différentes sociétés. De tels rayons sont activés par la mémoire des ordinateurs qui contiennent une foule de données invraisemblables sur les êtres humains et sur leur langage, c'est-à-dire sur le comportement humain, la façon de penser humaine, le langage de l'homme. Quel que soit le langage. Ces rayons s'entrelacent et s'entremêlent avec la pensée naturelle pour former ce qu'on appelle une pensée diffuse artificielle. À travers de tels moyens, les groupes extrémistes peuvent être fabriqués, les troubles et les désordres sanglants peuvent être provoqués par des télémoyens avancés via satellite dans plusieurs pays. En d'autres mots, ce que ça veut dire, c'est qu'on peut faire éclater des révoltes jour au lendemain, n'importe où, on peut fabriquer des fanatiques au niveau politique et au niveau religieux, n'importe quand sur la planète, en prenant des populations cibles et en faisant en sorte que les messages qui sont envoyés rentrent sans le consentement de la personne, sans qu'on s'en aperçoive, à l'intérieur d'elle, et c'est comme si une voix parlait à partir de son cerveau. Donc, si on revient à ce moment-là, à ce que je disais tout à l'heure, à cette nouvelle technologie dans l'espace, ben on est obligé de se rendre compte que lorsque va être décidé de la diffusion, du moment de la diffusion de ce spectacle fabuleux et haut en couleur, qui va rejoindre les gens, comme je vous dis, à lui en donner la chair de poule, eh bien, il y a des milliers, même des millions de personnes dans différents pays de différentes religions qui vont voir, en fin de compte, les dieux respectifs de chacune de leurs religions, lui parler à l'intérieur d'eux-mêmes, dans leur langue ou dans leur dialecte, pour lui donner des nouvelles révélations en fonction de ce qui doit être instauré sur la planète et en fonction, comme je le disais au début, de démontrer que toutes les religions, quelles qu'elles soient, ont été mal interprétées par ceux, par les premiers, en fin de compte, qui en avaient reçu les révélations, et c'est pour ça que l'homme s'est retrouvé avec des religions différentes, les opposant les uns par rapport aux autres. Ça, c'est le message, un des messages de base qui va être lancé en fonction d'en arriver à l'abolition des religions telles qu'on les connaît aujourd'hui pour mettre sur pied définitivement la base de la nouvelle religion mondiale, de la nouvelle Église mondiale, celle de l'Antéchrist, qui va se faire sous le couvert de paix et harmonie. N'oubliez jamais ces deux mots-là. Paix et harmonie sont les fers de lance, sont la base, et dans les milieux ésotériques et dans les milieux religieux, de la nouvelle philosophie qui a été préparée depuis une trentaine d'années pour arriver à un état précis à un moment donné où la majeure partie des gens vont dire, écoutez, pour avoir la paix, il faut avoir l'harmonie. Pour être en harmonie, ben il faut que tout le monde pense de la même manière. Ça vous fait pas vibrer certaines cordes dans l'intérieur de vous-même par rapport à certains groupes que vous avez connus. Donc, je peux vous dire, et je peux vous affirmer même, qu'une technologie semblable, telle qu'elle a été conçue, expérimentée et mise au point, et avec la documentation qui existe sur cette technologie-là, que la majeure partie, ou presque tous les hommes, vont être rejoints, à un moment donné, intérieurement, sans qu'ils le veuillent, au-delà de leur consentement et au-delà de leur volonté. Même si des rabbins au niveau de la religion juive, des imams au niveau de la religion musulmane ou des prêtres au niveau de la religion catholique vous disent, écoutez, ces choses-là, ce ne sont pas possibles, il faut être sensé, avoir un certain bon sens à un moment donné et voir que la technologie existe, qu'elle a été expérimentée, qu'on parle pas ici de dimension surnaturelle, mais qu'on parle de technologie capable d'atteindre les individus malgré leur volonté. Aucun homme, aucun enfant, aucun adulte, aucun vieillard ne sera à l'abri d'un spectacle semblable lorsque celui-ci va se produire et va être mis en marche. La plupart ont déjà entendu parler de ce que c'est qu'un studio de télévision. Ça va fonctionner exactement de la même manière. Donc, à des endroits différents sur la planète, on va avoir un décor très féerique, très spatial, très nouvel âge, très nouvel ordre mondial, avec les jeux de l'ordinateur, les formes vont se transformer comme si c'était, en fin de compte, des formes célestes, et vous avez juste à regarder les films, les nouveaux films qui sortent sur le marché, avec les nouveaux effets spéciaux, les effets sonores, et vous pouvez voir à ce moment-là, en partant de films, qu'est-ce qu'on est capable de faire au niveau technologique. On est capable de faire n'importe quoi, puis on est capable de faire croire n'importe quoi. Donc, imaginez-vous à partir d'un studio, une mise en scène semblable avec des effets sonores spéciaux, qu'on transmet via des rayons laser à des satellites qui, eux, vont reproduire cette mise en scène sur la voûte céleste, et sur la voûte céleste, en pleine nuit, à 3 heures du matin, ça va apparaître comme étant courbé, de telle sorte que ça vient vraiment du ciel et que ça atteint tous les individus. Quels sont ceux qui ont mis au point ou qui ont financé, qui ont encouragé de telles recherches au niveau technologique? Quels sont ceux, en fin de compte, qui sont à la source d'une telle forme de pensée? Parce que un nouvel ordre mondial, au niveau politique, au niveau économique, au niveau militaire et autres, va être construit et conçu de la même façon que la société a été conçue, c'est-à-dire avec un fondement spirituel, une unité spirituelle, une nouvelle unité spirituelle qui va relier tous les hommes entre eux. Si on se reporte à l'origine religieuse d'un mouvement ou d'une forme de pensée semblable, on est obligé de retourner en arrière dans les années 1875-1870. À cette époque-là, on remarque que le mouvement du Nouvel Âge, le New Age, comme on dit, okay, avec toutes ses boutiques, avec toutes ses façons de penser, ses nouvelles manières de voir les choses, a commencé son existence en 1875, lors de la fondation de la Société théosophique par Elena Petrovna Blavatsky. Celle-ci donnait comme enseignement de base dans son organisation à l'époque que toutes les religions du monde ont des vérités communes qui ont transcendé des différences potentielles. En fin de compte, ce que vous avez vu à partir des années 60, comme une nouvelle mentalité, que personne ne savait d'où ça venait, mais tout le monde en parlait, que toutes les religions sont pareilles, disent toutes la même chose. Ça venait de là. En outre, Mme Blavatsky travailla dans la communication télépathique. Parce que l'une des bases, l'une des priorités du mouvement du Nouvel Âge est la communication télépathique. Et tout à l'heure, on vous parlait de la télépathie électronique qui va être utilisée. Le mouvement du Nouvel Âge est aussi appelé par Marilyn Ferguson « The Aquarian Conspiracy », la conspiration de l'âge du Verseau, qui comprend plusieurs groupes et sous-mouvements tels que le mouvement holistique, la psychologie transpersonnelle, la nouvelle spiritualité, l'humanisme et « you name it », comme on dit, c'est-à-dire tous les noms de différentes nouvelles techniques dont vous entendez parler à l'heure actuelle sont tous des techniques de préparation psychologique, de préparation intérieure, donnés aux hommes dans différents pays en fonction de cette nuit spéciale-là, qui va être la nuit, en fin de compte, de tous les feux, de toutes les étoiles, la nuit féerique de l'arrivée du Nouvel Âge, du Messie, de la nouvelle religion. Tel Carlis Bailey, un des prophètes du Nouvel Âge, le disait, l'emphase sur toutes les écoles ésotériques est nécessaire et avec raison, il repose sur la méditation. La méditation étant une technique de base essentielle pour préparer la condition intérieure de l'homme à la réception de tels messages, à la réception, en fin de compte, d'un tel spectacle et de telle communication intérieure. Donc, essayez d'imaginer, en fin de compte, ce que peut vouloir dire l'emphase sur toutes les écoles ésotériques. L'emphase sur toutes les écoles ésotériques, ça veut dire la prise de contrôle de toutes les écoles, les groupes ésotériques qui existaient sur la planète à partir des années 1900, par cette nouvelle philosophie, cette nouvelle manière de penser, et dont la base repose sur la méditation, c'est-à-dire sur la préparation intérieure des populations à recevoir le contenu du message, du spectacle qui va être diffusé à partir de la voûte céleste. D'ailleurs, à part les écrits de Blavatsky et d'Alice Bailey, la doctrine de la nouvelle religion mondiale est dérivée des travaux de Georges Gurdjieff, de P.D. Uspensky et de H.G. Wells, de Nicolas Roerich, qui a écrit Les enseignements de l'Agni Yoga, et de David Spengler, dont on parlait tout à l'heure. La stratégie d'ensemble, la stratégie tactique du mouvement peuvent se retrouver, pour ceux qui veulent faire des recherches et faire des vérifications, dans le volume « The Open Conspiracy, Blueprint for a World Revolution » par H.G. Wells. Le mouvement du Nouvel Âge est une identité, est une copie refabriquée, réorganisée en fin de compte, à partir des programmes écrit et mis sur pied par Hitler dans les années 1930. Des organisations aussi diverses qu'Amnesty International, Greenpeace, le Sierra Club, les Children of God, Zero Population Growth, c'est-à-dire le contrôle des populations avec toutes les nouvelles techniques, en fin de compte, nouvelles techniques pour en arriver à qu'il n'y ait pas trop de naissances, parce que supposément, il y a trop de monde sur la planète, font partie du mouvement du Nouvel Âge, font partie du Nouvel Ordre mondial. Ce mouvement enseigne à la base que la Trinité est inférieure à une entité connue sous le nom de Solar Logos, la Trinité solaire, constituée supposément par le Père qui correspond à la volonté, le Fils à l'amour-sagesse, et l'Esprit-Saint à l'intelligence active. Ça vous sonne pas un peu certaines cordes connues dans les mouvements religieux et ésotériques actuels? Après la Trinité solaire, vient les Seven Rays, les sept rayons, et sous ceux-ci, mais prenant directement son autorité à partir du logos solaire, est situé le Sanat Kumara, un mélange satanique. Ils représentent leur Dieu, l'Ancien des Jours et l'Initiateur. Les trois activités planifiées par le Messie du Nouvel Âge, par l'Antéchrist en fin de compte, sont, il y a trois choses importantes qui sont planifiées dans ces activités-là, la réorganisation des religions mondiales par tous les moyens possibles, et regardez depuis 30-40 ans les nouvelles manières de penser qui ont été diffusées largement en Occident, c'est que toutes les religions se ressemblent, toutes les religions sont pareilles, on n'a pas compris les anciens enseignements, en fin de compte. Faut que tous se fondent dans une seule et unique religion qui va être révélée à l'homme à un moment donné. C'est la préparation psychologique du spectacle qui va être donné à l'humanité à un moment donné. La dissolution graduelle, encore par tous les moyens possibles, de la foi monothéiste, c'est-à-dire de la foi en un seul Dieu. Et là-dessus, par rapport à cela, il y a trois religions qui sont visées. Il y a la religion musulmane, la religion juive et la religion catholique, ce qu'on appelle la foi orthodoxe. Et c'est pas pour rien qu'on est arrivé à partir des années 60 à diviser ces religions-là en deux groupes d'individus faisant pourtant partie des mêmes religions, c'est-à-dire les modernistes, ceux qui s'adaptent, en fin de compte, aux nouvelles réalités de l'homme au 20e siècle, et les traditionalistes, les intégristes, ceux qui sont considérés comme étant négatifs, qui s'attachent à des anciennes valeurs et qu'on doit rejeter. C'est un coup de maître au niveau de la suggestion télépathique, en fin de compte, au niveau du lavage de cerveau, d'être arrivé à faire croire aux gens faisant partie des différentes religions monothéistes qui sont divisés maintenant en deux groupes d'individus complètement distincts l'un de l'autre, comme s'ils appartenaient à des religions différentes. Ça, ça fait partie du lavage de cerveau et des moyens mis en marche dans les années 60 pour en arriver à affaiblir les religions orthodoxes. Et la troisième activité planifiée est la préparation pour une révolution qui inaugurera la nouvelle ère, le nouvel ordre mondial, le gouvernement mondial, et donnera la note à une religion mondiale, une nouvelle religion. Le mouvement du Nouvel Âge aussi, le Nouvel Ordre mondial, est une coalition mondiale d'organismes regroupés en réseau. Celle-ci réunissait ensemble des individus ayant en commun des expériences dites mystiques. Regardez tous les gens qui font partie à l'heure actuelle. des groupes de prière ou qui font partie des mouvements ésotériques, ils vont vous retrouver devant le même phénomène. Tout le monde est convaincu dans ces milieux-là de vivre des expériences spirituelles précises et tout le monde surtout est convaincu de posséder un pouvoir et une mission personnelle. Et d'ailleurs, à l'intérieur même de tous ces mouvements-là, que vous alliez de droite à gauche, en n'importe quelle direction, vous allez voir les individus en compétition les uns par rapport aux autres pour savoir lequel possède le plus, en fin de compte, d'expérience spirituelle, celui qui est le plus investi d'une mission divine par rapport aux autres. Ça fonctionne par hiérarchie de la même manière que fonctionne la société humaine, celui qui a plus de pouvoir et de plus de potentiel et de capacité qu'un autre individu à côté. Et on appelle ça la nouvelle religion qui doit unir tous les hommes, les rendre égaux. Et ça fonctionne déjà, c'est une hiérarchie invraisemblable, mais basée cette fois-ci, non pas sur un pouvoir spirituel précis, mais basée sur le pouvoir et la réputation de l'individu. Le mouvement du nouvel âge, OK? Conspiration de l'âge verso. La nouvelle religion mondiale, c'est une philosophie de pensée et de vie, c'est-à-dire une manière de penser, une manière de vivre, favorisant la déification de l'homme, faisant de l'homme un dieu. Il est basé sur les enseignements ésotériques, occultes et sataniques. Il vise, selon le plan des Illuminati, les protocoles des sages de Sion, la destruction de tous les gouvernements, de toutes les religions, de tout ce qui exprime la beauté et la création de Dieu sur la terre et dans l'espace, il vise l'institution d'un gouvernement mondial, d'une religion mondiale, d'un système économique mondial et d'une force militaire et policière multinationale à l'échelle mondiale et fonctionne exactement comme le nazisme fonctionnait, c'est-à-dire en infiltrant par le biais d'une philosophie particulière, d'une manière de penser particulière, tous les milieux de la société, du politique, de l'économique, du culturel, du religieux, etc. Et regardez toutes les couches de la société à l'heure actuelle. Par quoi sont-elles infiltrées? Elles sont infiltrées par une nouvelle manière de penser qui fait de l'homme son propre Dieu et qui promouvoit, en fin de compte, l'attente d'une révélation planétaire à un moment donné. Ce mouvement compte utiliser tous les moyens possibles pour s'enraciner partout. Il espère confondre les hommes en se servant de l'union de la technologie et du surnaturel. Parce que la base même du pouvoir du gouvernement mondial, du nouvel ordre mondial et de l'Antéchrist, c'est l'union de la nouvelle technologie, de la high-tech, comme on dit, avec le surnaturel. Ce qui lui permettra de produire des prodiges et de séduire les populations et d'imposer à l'humanité un nouveau Messie. Ce mouvement, malgré ses apparences, malgré tout ce qu'on peut en dire de beau à l'extérieur, ce n'est pas un organisme et ce n'est pas un groupe d'individus en particulier. À sa source, il y a les Illuminati, les sorciers, les groupes occultes, les porte-paroles du mouvement, tous ceux, en fin de compte, qui en font partie de près ou de loin, sans le savoir, sont des victimes de la séduction luciférienne, y compris ceux qui ont signé un pacte satanique à un moment donné, en fonction, dans l'espoir d'avoir plus de pouvoir personnel. C'est des personnes qui sont des victimes, qui ont été séduites à leur propre insu. Ce mouvement-là utilise des noms séduisants pour tromper. Quelques-uns des noms sous lesquels nous pouvons identifier ce mouvement peuvent se lire ainsi. La conspiration du Verseau, l'âge du Verseau, la psychologie humaniste, le mouvement du réseau fonctionnel, la nouvelle pensée religieuse, la nouvelle Église, la troisième vague, la troisième force, la nouvelle conscience, le mouvement transcendantal, le mouvement du potentiel humain, la nouvelle spiritualité, l'humanisme séculaire, et ainsi de suite, sont tous des noms se rapportant au même mouvement du nouvel âge, à la même nouvelle religion mondiale. Les milliers d'organisations et de groupes qui font partie de ce mouvement-là sont des groupes politiques, des cultes, des organisations cultes, et certains des plus grands savants du monde font partie de ce mouvement ayant en tête l'intention de faire le bien et de nourrir les populations, mais en réalité en cachant les buts secrets qui sont l'imposition d'une nouvelle religion mondiale, d'un esclavage à l'échelle de l'humanité sous le signe d'un nouvel ordre mondial. Les buts de faire le bien et de nourrir les populations, qu'est-ce que vous entendez la plupart du temps à propos des nouveaux mouvements mondiaux? Paix et harmonie, nourrir les populations, arrêter les guerres, toutes ces formes de pensée qui sont vraies, qui sont bonnes en Allemagne, font partie de ce mouvement-là pour un but qui n'est pas celui de nourrir les populations et de faire le bien. C'est plutôt une poudre aux yeux qui est jetée à la face du monde pour cacher les réelles intentions de ce mouvement-là. Celui-ci n'a pas l'intention de nourrir qui que ce soit, ni non plus de vêtir qui que ce soit en réalité. C'est une hameçon qui se retrouve dans plusieurs de leurs publications, incluant les publications du Club de Rome et du rapport global 2000, publié par l'administration Carter juste avant que ce dernier quitte la Maison-Blanche. D'ailleurs, c'est clairement dit dans ce rapport-là, la population mondiale doit être réduite de 2 milliards d'individus pour l'an 2000. Savez-vous ce que ça veut dire? De quelle manière est-ce qu'ils vont réduire la population de 2 milliards d'individus pour l'an 2000, sinon par un génocide sur une échelle 100 fois pire que tout ce que pouvait imaginer Hitler lui-même. Donc, la réduction de la population de l'humanité peut se faire manipulation, par exemple, des vaccins, des antibiotiques par des cristaux liquides, explosion de centrales nucléaires dans des pays peuplés, provocation organisée et pensée par micro-ondes de tremblements de terre à différents endroits de la planète, manipulation du climat et des températures dans certaines régions, et j'en passe, parce que la liste serait très longue, mais toutes ces choses-là, avec l'apport de la nouvelle technologie qui existe au niveau militaire, sont possibles, ils peuvent faire à peu près n'importe quoi, n'importe où sur la planète. D'ailleurs, regardez les gens du Nouvel Ordre mondial, de cette nouvelle école de pensée qui dit « nous devons limiter la production ». En réalité, si les penseurs et les membres à part entière de ce mouvement étaient réellement sincères, intéressés à préserver la vie et à nourrir les populations, à vêtir les gens, ils ne parleraient pas de vouloir réduire la population mondiale de 2 milliards d'habitants, ni non plus de réduire la production. Car ces deux formes de pensée et d'action sont incompatibles. Vous ne nourrissez pas la population en réduisant pour se faire la production, ça n'a pas de sens. En outre, beaucoup d'entreprises, de monopoles, de consortiums, de compagnies, parmi les plus importantes à l'heure actuelle, diffusent et conditionnent leurs employés aux croyances et aux techniques de base de ce mouvement du nouvel âge, de cette nouvelle religion-là. Ils enseignent, par exemple, comment accroître la productivité, comment penser, comment visualiser et apprendre pour devenir productif et mériter le succès. Regardez, en fin de compte, ce qui se passe au Japon. Regardez ce que le Japon a réussi à développer depuis les 30 dernières années. Ça fait justement partie de cette nouvelle religion-là. C'est un portrait robot de ce que va être, à un moment donné, l'humanité sous un nouvel ordre mondial. D'ailleurs, Constant Combe disait dans son livre « Les dangers cachés de l'arc-en-ciel, The Hidden Dangers of the Rainbow » que « network, réseau » est le mot magique du mouvement du Nouvel Âge. C'est un réseau de plusieurs organisations. Elle disait posséder à l'époque un annuaire qui renferme à lui seul, et ça c'est dans les années 80, quelques 1500 réseaux, et elle en avait un autre, poursuivait-elle, dans lequel on pouvait retrouver 3700 organisations et un autre qui, lui, contient les chartes incroyables des organisations. Rien dans ce mouvement-là, rien dans l'établissement de la nouvelle religion mondiale n'est laissé au hasard. Il est très bien structuré et dans ce réseau-là, il y a des organisations politiques chargées d'infiltrer les autres organisations existantes. Parmi les organisations faisant partie du mouvement du Nouvel âge, la nouvelle religion mondiale, il y a entre autres, et la liste n'est pas n'est pas limité à ce que je vais vous énumérer, certes. Mais elle en fait partie. Les cultes incluant les prototypes suivants. Donc, tout ce que je vais vous lire là fait partie, en arrière des marques, en arrière des apparences, du nouvel ordre mondial, de la nouvelle religion mondiale, celle qui est à la source financière et autres, en fin de compte, de ce super spectacle fait et mis au point en fonction, à un moment donné, de mettre à genoux l'humanité. Donc, quels sont les groupes, les organisations qui en font partie? Et il n'y a pas seulement celle-là. L'Église universelle et triomphante et ses diverses organisations. Summit Lighthouse et Summit University, dirigées par Elizabeth Clare Prophet, mélange ésotérique du christianisme, du bouddhisme, de l'hindouisme et du spiritualisme. Les enfants de Dieu, s'étiquettant eux-mêmes d'Ashram Nouvel Âge, qui furent fondés en fonction d'attirer à eux les jeunes qui, autrement, auraient pu se diriger vers le christianisme. L'École unie du christianisme, dont les quartiers généraux sont situés dans Unity Village, au Missouri, aux États-Unis. Le 3HO, chercheur bouddhiste hindou. Le Ashram du Bhakram Sri Rajneesh, mélange d'hindouisme et de bouddhisme. Le sexe tantrique, l'amour libre, Akka. La santé holistique, donc tous les groupes, tous les mouvements de santé holistique, même si ceux qui en font partie ou ceux qui les encouragent ne le savent pas, font partie de cette nouvelle religion mondiale-là. Toutes les différentes techniques de contrôle de l'esprit, mind control technique, s'en fait aussi partie. Les organisations et les classes du contrôle de l'esprit, telles SILVA, S-I-L-V-A, EAST, E-S-T, Handheld Seminars Training, la pensée du nouvel âge, la méditation transcendantale, Life Spring, Erika, etc., sont tous des techniques de conditionnement intérieur en fonction de recevoir la religion du nouvel ordre mondial et de pouvoir la propager. Les médecins de la santé holistique, plusieurs médecins en homéopathie et plusieurs autres, pas tous, nutritionnistes, centres et magasins de nourriture naturelle, à leur propre insu, sans qu'ils le sachent, sont manipulés par une pensée religieuse mondiale qui fait partie du nouvel ordre mondial et font, à leur propre insu, ils se trouvent à propager des techniques de conditionnement intérieur en fonction de préparer les populations à recevoir intérieurement les enseignements nouveaux qui vont être diffusés lors de ce spectacle céleste à un moment donné. Plusieurs techniques appropriées, les organisations touchant l'environnement, l'écologie, par exemple le Clamshell Hellions, le Sierra Club, etc., font partie de la nouvelle religion mondiale. Les organisations d'intérêt public comme le Caucus News Age de Californie, la nouvelle organisation pour une révolution américaine, l'Alliance du Monde Nouveau, les fédéralistes mondiaux, le FEIN, la Société des émissaires qui relie l'action politique avec l'ésotérisme, les Amis de la Terre, les Citoyens planétaires, l'Initiative planétaire pour le monde que nous choisissons font tous partie de cette méthode de pensée, de cette école de pensée reliée à la religion du nouvel âge à la religion du nouvel ordre mondial. Les communautés intentionnelles comme la Fondation Finnhorn, probablement le siège spirituel pour tout le mouvement du nouvel âge. La communauté Stell dans l'Illinois, The Farm, la ferme dans le Tennessee. Les groupes religieux et la philosophie ésotérique comme le Lucy's Trust, probablement le cerveau de tout le mouvement. La société théosophique et les Rosicruciens, les Rose-Croix, font partie intégrante de la nouvelle religion du nouvel âge mondial, et lorsque ces gens, à leur propre insu, vont chercher des nouveaux adeptes, propagent la pensée de ces groupements-là, ils se trouvent à propager très souvent, sans le savoir, la pensée, la base même, l'idéologie même de la nouvelle religion mondiale. Et d'ailleurs, toutes les organisations qui se présentent pour combattre la faim dans le monde, tel le projet contre la faim, The Hunger Project, en font partie. Bien que n'étant pas une partie officielle, les adhérents du mouvement du Nouvel Âge ont infiltré l'orthodoxie médicale, la médecine traditionnelle, l'orthodoxie religieuse, gouvernementale, le monde des affaires, ainsi que l'orthodoxie d'autres organisations, c'est-à-dire les organisations qui étaient très orthodoxes, avaient une histoire, étaient très organisées. Au niveau de la manière de penser, elles ont été infiltrées depuis les années 60. Quels sont les buts visés par cette nouvelle religion mondiale, à l'intérieur de laquelle, à l'heure actuelle, plusieurs personnes diffusent l'information sans le savoir? Le plan de la nouvelle religion mondiale, plan référé à la grande invocation qui dit « Laissons la lumière et l'amour et le pouvoir, la puissance restaurer le plan de la terre et la base même, la base idéologique, la base spirituelle et religieuse du nouvel ordre mondial, de ceux qui sont à la source de ce spectacle-là dont je vous parlais au début et qui font partie du financement, en fin de compte, des différentes techniques pour la télépathie électronique, l'imposition du nouveau Vinci mondial, l'instrumentation d'un gouvernement mondial et d'une religion mondiale placée sous la direction de l'Antéchrist. Alice Bailey, dans son livre « The Race and the Initiation », dit que le nouvel ordre mondial sera une synthèse entre l'URSS, la Grande-Bretagne et son Commonwealth, et les États-Unis avec leur mélange de population. Et regardez aujourd'hui ce à quoi vous assistez. Depuis la chute du rideau de fer, la synthèse entre le communisme, entre le Commonwealth et entre la démocratie aux États-Unis, vous arrivez à une base politique internationale sous le couvert des Nations Unies qui vous donne la structure politique du nouvel ordre mondial. Il se composera, ce nouvel ordre mondial, d'une Europe unifiée, d'un marché commun des nations en Europe avec un système de guidage planétaire. Dans le volume « The Aquarian Conspiracy » de Marilyn Ferguson, celle-ci avance pour sa part que l'Europe serait maintenant prête pour le lancement de la nouvelle politique spirituelle. Parce que ce qu'il faut bien comprendre au niveau du nouvel âge mondial, au niveau du gouvernement mondial, c'est que la structure politique est aussi une structure spirituelle. Ils sont inséparables l'un de l'autre. C'est quand même bizarre de la part de personnes et de la part de groupes qui font tout pour détruire justement les différentes religions monothéistes qui existent sur la planète. Quant à Foster Bailey, le mari d'Alice Bailey, il dit dans son livre « Running God's Plan » que l'un des buts de leur soi-disant hiérarchie était d'avoir une Europe unifiée et qu'une tentative précédente avait été faite par un disciple utilisant le rein en tant que facteur d'unité, mais que cette tentative n'avait pas réussi. La bête qui était morte et qui revint à la vie, c'est-à-dire le nazisme, Hitler essaya d'unifier l'Europe en utilisant le rein en tant que facteur d'unité. Hitler était impliqué même dans le même genre de cultisme que celui du mouvement du Nouvel Âge. D'ailleurs, le gnosticisme et le mysticisme étaient les bases, les portes de l'initiation de l'ordre noir de ceux qui faisaient partie des SS, sinon ils ne pouvaient pas en faire partie, ce n'était pas juste une organisation politique, militaire ou policière à l'époque. Les plans d'Alice Bailey qui sont suivis à la lettre par le mouvement du Nouvel Âge sont exactement identiques à ceux qui existaient lors du nazisme en Allemagne dans les années 1940. Il y a de quoi faire réfléchir n'importe qui. Lorsqu'on sait que c'est ça qu'on veut nous imposer au niveau mondial, au niveau d'un nouvel ordre mondial, et lorsqu'on sait, en fin de compte, que c'est la base même de la nouvelle religion mondiale, il y a de quoi se demander pour quelle raison, en fin de compte, tous les gens, de plus en plus, sont opposés les uns par rapport aux autres, sont de plus en plus individualistes, et se considèrent les uns les autres comme étant des ennemis potentiels. Une division semblable n'a jamais été vue depuis le début de l'humanité et elle a une source et elle a une raison d'être. D'ailleurs, si l'on regarde le plan de base du nouvel ordre mondial, il est complet avec le gel du nucléaire ou la campagne de désarmement. Donc, le plan du nouvel ordre mondial est accompli à partir du gel du nucléaire ou de la campagne de désarmement. On peut dire qu'on est en plein dedans. Et ce plan-là est décrit aux pages 190 et 191 du livre d'Alice Bailey, « The Externalization of the Hierarchy ». La hiérarchie. À la page 548 du même volume, elle déclare que la bombe nucléaire représentait un grand pas en avant pour l'humanité, que leur hiérarchie avait aidé à développer, à réaliser en travaillant à travers le cinquième rayon ou les travailleurs scientifiques. Elle continue en disant que lorsque la bombe sera entre les mains des Nations Unies, elle pourra alors soit servir en tant que menace, soit être utilisée contre toute agression réelle, que celle-ci provienne d'étonnations, comme à ce moment-là, un pays en Europe ou le Canada ou les États-Unis ou un autre, ou des groupes religieux puissants, tels l'Église catholique, c'est-à-dire envoyer une bombe nucléaire sur Rome pour en finir une fois pour toutes. Et elle le dit clairement, et quand on regarde l'évolution des choses, le désarmement, le gel du nucléaire, et ainsi de suite, on voit qu'on est en plein centre de l'évolution de ce qui avait été prédit et écrit à l'époque. Le plan prévoit aussi, en ce qui a trait à l'implantation d'une religion mondiale, la destruction à la racine de tous ceux qui croient dans la Bible et adorent Dieu, et la disparition complète de la chrétienté. Donc, ils ne vont pas de main morte. Hein? C'est pas moi qui l'ai écrit, c'est pas moi qui le dis. Ça fait partie du plan mis au point il y a plusieurs décennies. Le plan prévoit, je répète, en ce qui a trait à l'implantation d'une nouvelle religion mondiale, la destruction à la racine de tous ceux qui croient dans la Bible et adorent Dieu, et la disparition complète de la chrétienté. En outre, ce plan complote pour la mise hors la loi de toutes les pratiques religieuses actuelles et surtout de tous les symboles de l'orthodoxie juive et chrétienne, ainsi que l'abolition des fêtes religieuses traditionnelles et leur remplacement par des festivals païens du Nouvel Âge. Pour vous donner un exemple de l'évolution de ce plan-là et de cette évolution-là, vous avez juste à regarder depuis une trentaine d'années, la plupart des fêtes religieuses ou des mois religieux appartenant à la religion catholique ayant été identifiés par la religion catholique et qui ont été transformés en des fêtes sans aucune essence religieuse. Prenez par exemple le 1er mai, qui, dans l'enseignement chrétien et catholique correspondait au premier jour du mois de Marie, a été transformé en la fête internationale des travailleurs, et ainsi de suite. Et si vous prenez ce modèle-là et vous l'inversez, en partant de voir, en fin de compte, comment ce qui est constitué la religion catholique, et vous inversez cette constitution-là, vous avez exactement la réalisation du plan qui a été mis au point depuis les 30 dernières années, la réalisation de ce plan-là. La direction du mouvement du Nouvel Âge, le Nouvel Ordre mondial devant se construire sur un ancien ordre, comporte ceci. L'abolition de toutes les monnaies actuelles. L'institution d'un système d'échange plus rationnel, telle une économie basée sur un système d'enregistrement par ordinateur, et là rentre en ligne de compte l'implant électronique, le nouveau microchip biologique d'identification internationale qui a été mis au point il y a quelques années, dans les années 90, et donner à chaque individu de la Terre un numéro et exiger celui-ci pour toutes les formes de transactions. Le motif réel de ceci n'étant pas pour nourrir adéquatement tous les hommes, comme ils prétendent vouloir le faire à travers leur autorité mondiale de l'alimentation, mais par contre, comme le déclare R. Buckminster Fuller, un chef de file de la nouvelle pensée mondiale, c'est plutôt une organisation dans le but de contrôler le monde, doit tout d'abord posséder le contrôle des différentes routes des surplus alimentaires. En d'autres mots, qu'est-ce que ça veut dire? Ça a été écrit dans The Critical Path, St. Martin's Press, en 1981, page 20. Ça veut dire, en fin de compte, en arriver à contrôler l'alimentation, l'énergie et le contrôle des vitamines et des médicaments sur toute la planète pour en arriver à contrôler toute l'humanité. La direction aussi prévoit, direction du nouvel ordre mondial, de cette nouvelle religion mondiale, une taxe universelle, et regardez en fin de compte ce qui est discuté depuis à peu près un an aux Nations Unies d'en arriver à une nouvelle taxe internationale, et une conscription militaire universelle. Donc, quand on regarde ça, puis quand on regarde les correspondances de cela avec ce qui se passe depuis une trentaine d'années et ce qui se passe à l'heure actuelle, bon, on est obligé de voir que tout est en route, que tout est en train de se faire. Et vous regarderez dans peu de temps, en avant de nous autres, question de mois, je me demande même si c'est une question d'année, d'après les informations qu'on a reçues, dans la planification de ce qui est prévu au niveau des tremblements de terre un peu partout sur la planète, vous allez découvrir, et c'est ce qui a été planifié, qu'il va y avoir des tremblements de terre qui vont se produire dans des régions où on va découvrir, ce qui n'aurait pas été découvert autrement, des lieux anciens, ayant été construits il y a des milliers d'années, faisant référence à des civilisations avancées, et les découvertes archéologiques qu'on va faire, comme par hasard, vont être des découvertes qui vont servir à jeter par terre les bases des trois religions monothéistes, les religions qui croient en un seul Dieu et qui existent sur la planète à l'heure actuelle. Donc, la plupart des découvertes archéologiques qu'on est à la veille de faire, sous le couvert, en fin de compte, un tremblement de terre s'est produit à tel endroit et a permis de découvrir une cité ou dans cette cité-là, en fin de compte, des inventions qui n'étaient pas connues de l'homme, va permettre, supposément, les explications des anciennes constructions, comme les pyramides, comme les temples Inca en Amérique centrale, les différents temples et les différentes constructions en Amérique du Sud des anciennes religions Inca et Aztèque. Et par ces explications-là, on va jeter par terre les bases de la religion musulmane, juive et chrétienne, et en arriver à faire croire aux hommes que ces religions-là ont été des religions qui ont été mal interprétées à la base et mal orientées parce qu'elles ont divisé les hommes les uns par rapport aux autres et qu'elles ont été à l'origine des différentes guerres et des différentes atrocités qui ont existé sur la planète, ce qui en réalité n'est pas le cas. Mais essayez donc d'expliquer avec les techniques utilisées depuis une trentaine d'années, essayez donc d'expliquer à des jeunes qui n'ont plus de connaissances historiques, qui n'ont plus aucune connaissance religieuse, que les choses qui vont être véhiculées un peu partout sur les différents réseaux de télévision sont fausses, alors que ces personnes-là n'ont aucune connaissance pour prouver le contraire. Vous allez carrément vous faire balancer par-dessus bord. D'ailleurs, en rapport avec ce que je viens de vous dire, on a juste à regarder en arrière de nous et à regarder depuis les années 60, on est en 94, depuis 34 ans, qu'est-ce qui est diffusé un peu partout sur la planète à travers les moyens de communication actuels, à travers les systèmes de son, à travers le cinéma, à travers les vidéos. Et on va remarquer qu'il y a une tendance générale qui est la même partout, comme par hasard. On va remarquer à travers une certaine musique rock et les extraterrestres. Personne ne sait pour renier l'apport important de la musique rock dans la transformation de nos habitudes culturelles depuis environ une vingtaine, une trentaine d'années, surtout en ce qui a trait à la consommation de drogue, la sexualité libre, la contestation de l'autorité en général et à l'implantation en Occident de techniques religieuses orientales, etc. Mais combien savent que cette même musique a une relation avec ce que l'on appelle science-fiction et extraterrestre? Il numérise ici tous les groupes, toutes les pièces musicales ayant établi un lien, une préparation psychologique à une supposée présence extraterrestre serait trop long et se situerait en dehors des cadres actuels de cette cassette, malgré qu'on pourrait toujours le faire ailleurs. Prenons le groupe, par exemple, Blue Oyster Cult, entre autres. Dans l'une de leurs chansons intitulée Extraterritorial Intelligence, intelligence extraterrestre ou présence extraterrestre, ceux-ci disent I heard the music they like this. J'ai entendu le disque musical du grand jour. Three men in black said. Trois hommes vêtus de noir disaient. Don't report this, Ascension. Ne rapporte ceci à personne, Ascension. And that's all they said. Et c'est tout ce qu'ils disent. Il est à remarquer que cette chanson fait référence aux extraterrestres qui s'en viennent et que lors de leur venue, il y aura une grande ascension, c'est-à-dire comme une possession collective, un enlèvement. Et ça, on rejoint directement, en fin de compte, le contenu du spectacle céleste, le spectacle à partir de la voûte céleste qui va être présenté de nuit aux populations de la Terre pour leur imposer la nouvelle religion mondiale et leur nouveau Messie. Et ce groupe-là n'a pas été le seul à véhiculer de tels messages. D'ailleurs, depuis des années, des documentaires, des volumes, des posters nous incitent à croire qu'une présence extraterrestre existe et qu'elle viendra nous aider à établir un règne de paix et d'harmonie sur la Terre. D'ailleurs, comme le rapporte un certain pasteur Greenwald en Californie, Satan sait bel et bien que les hommes du monde entier sont à la recherche de réponses pour comprendre le sens, le but de leur présence sur Terre. Eric Van Daniken, dans son livre « Chariot of God », les chariots des dieux, nous présente une théorie selon laquelle des dieux ou des astronautes venus de l'espace et visitant notre planète auraient eu des relations sexuelles avec des femelles ressemblant à des singes, ce qui aurait eu pour résultat de donner naissance à ce que nous sommes à l'heure actuelle. Van Daniken et d'autres croient par ailleurs que NASCA, N-A-S-K-A, serait une piste d'atterrissage de ces astronautes venus d'un autre monde. Ces auteurs qui, par leur théorie, nous apportent une vision renouvelée des théories de l'évolution de Darwin, se ressemblent tous les uns par rapport aux autres en faisant ressortir que le salut de l'humanité par rapport au conflit et aux problèmes dans lesquels elle va se retrouver ne peut venir que d'être extraterrestre, que de présence extraterrestre, que de quelque chose en dehors de notre tête. D'ailleurs, des films tels que Star Wars, The Empire Strikes Back, Riders of the Lost Ark, E.T. sont des sujets qui préparent tous psychologiquement nos enfants à recevoir ces supposées forces, ces dieux de l'extérieur de la Terre, le supposé spectacle, le spectacle qui va être présenté à un moment donné. Prenons par exemple Star Wars. La force dont on parle partout n'est ni plus ni moins qu'un champ d'énergie qui produira des prodiges, mais avec l'aide de qui au juste? C'est à se poser la question. Constant Cambé, d'ailleurs, rapporte que l'introduction de l'évangile du Verseau est supposée nous apprendre la manière par laquelle on voudra nous forcer à adorer le Dieu des forts. Les deux seuls endroits où il est fait mention du Dieu des forteresses, des forces, c'est dans la littérature du mouvement du Nouvel Âge, de la Nouvelle Religion mondiale, et dans la Bible, Daniel 2, verset 36-39. Nos films, d'ailleurs, enseignent à nos enfants d'être prêts pour une force spéciale qui va venir les visiter, soit d'une manière télépathique ou d'une manière directe, qui va se révéler à eux. En d'autres mots, ces films programment nos enfants à être ouverts, à ouvrir intérieurement ce que certains appellent les chakras, les voies intérieures, pour la réception de tels phénomènes. Ce qui vient appuyer ces craintes, c'est un article du Reader Digest de septembre 1982, dans lequel il est dit à propos de George Lucas, le créateur des films de Star Wars, The Empire Strikes Back, le 12 juin 1962, trois jours avant sa graduation, George Lucas fut impliqué dans un accident qui le plaça pendant trois jours entre la vie et la mort. Et remarquez qu'il y a beaucoup de ces personnes-là aujourd'hui qui sont connues au niveau international, qui ont vécu des expériences semblables, d'avoir eu des accidents et d'avoir été placés à un moment donné de leur vie entre la vie et la mort. Et une fois qu'ils en sont sortis, en fin de compte, ils se sont mis à créer des prodiges au-delà de ce que l'homme pouvait imaginer. Pendant ces trois jours, Lucas a eu une expérience avec la force, comme il la nomme. Durant tout l'été que dura sa période de réhabilitation, George Lucas trouva que cette force était un champ d'énergie, de même que quelque chose de plus, un aura qui, une fois contrôlé, obéit et peut produire des prodiges. D'ailleurs, pour comprendre Lucas, il faut nous reporter au personnage principal du film qui se trouve à représenter son double. C'est-à-dire, la force que l'on retrouve dans le film Star Wars est de plus impersonnelle. Elle possède des qualités bonnes ou mauvaises qui peuvent être utilisées pour le bien ou le mal, selon la volonté de celui qui la contrôle par le biais du pouvoir psychique. Ça ressemble pas un peu à ça, les techniques de base du Nouvel Âge et des nouvelles religions et des groupes ésotériques, de dire à l'individu, écoutez, vous avez des pouvoirs personnels, vous pouvez les contrôler selon une orientation de bien ou selon une orientation de mal, comme si l'homme lui-même était son propre Dieu. D'ailleurs, le film E.T. est une référence à ce qui est préparé psychologiquement. La créature E.T. qui a des pouvoirs de télékinésie, pouvant déplacer des objets à distance avec le seul pouvoir de son esprit, peut en outre guérir par le toucher, ce qui nous réfère directement à la guérison holistique enseignée par le mouvement du Nouvel Âge. Et d'ailleurs, ce film tente de communiquer constamment. D'ailleurs, le petit E.T. dans le film, comme on le voit, tente de communiquer constamment avec ses supérieurs qui se trouvent dans l'espace, la télépathie et la suggestion de communiquer avec l'espace. C'est ce qu'on parlait au début de la cassette, la communication télépathique électronique. D'ailleurs, plusieurs ne sont pas sans savoir que E.T. est une copie falsifiée, en fin de compte, de la résurrection de Jésus-Christ dans la religion catholique et auquel croient les religions chrétiennes un peu partout à travers le monde à l'heure actuelle. Donc, il est important de savoir et de ne pas perdre de vue à l'intérieur de ça, et on aurait pu en ajouter pour des cassettes et des cassettes et des cassettes, que le projet Blue Beam de la NASA est l'aboutissement, la réalisation, en fin de compte, par des moyens technologiques de toutes les préparations psychologiques qui ont été faites depuis une trentaine d'années à notre temps pour préparer intérieurement l'homme à recevoir un message, à recevoir, en fin de compte, une révélation provenant de l'espace et qui va lui ouvrir la route sur une ère de paix et d'harmonie, c'est-à-dire de paradis terrestre construit à l'échelle de l'homme, par l'homme et uniquement pour l'homme.